Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Cela ne fait pas si longtemps que vous avez reçu la visite imprévue de cette bande au nom de la Grande Baleine Blanche. Un seigneur du crime originaire de Bloodhaven et ayant fait de la contrebande à Arkham City une de ses activités phares. Reste donc une question. Comment allez-vous vous en sortir? D'ici Halloween, à la fin de la semaine, ils seront de retour et vous devrez alors leur donner votre réponse. Allez-vous vous battre, ou plutôt finir au fond d'un canal, ou allez-vous accepter de vous faire manger tout cru, de devenir des hommes de The Whale? Le Hour Alibi est maintenant bel et bien ouvert. Plusieurs clients ont commencé à venir, certains nouveaux, et d'autres habitués d'une époque maintenant révolue dont vous avez hérité. Nous entrons dans la triste saison froide de Gotham City. Les rues sont recouvertes de neige. Et il n'est pas rare, comme aujourd'hui, que la poudreuse continue de tomber jour et nuit. Si certains d'entre vous nourrissent des espoirs de grands cambriolages au musée Flügelheim, d'autres doivent aussi penser à ce petit boulot que vous avez à accepter, faire passer un colis d'Arkham City jusqu'à la Maison Rouge à Chinatown. Quoi qu'il en soit, vous vous retrouvez donc tous à nouveau dans votre repère. Minus Yasmine, qui a prétexté des affaires urgentes à régler. Il y a encore tant de choses à faire, à décider, comme par exemple, quoi faire de vos deux nouvelles recrues au talent tout relatif. Ou encore, trouver un moyen de rendre plus fructifiant votre contact avec Looney Royal, le patrouilleur du quartier. Je vous le demande donc, de quoi sera faite cette journée? Ma foi! Personnellement, ça me perturbe quand même pas mal ce qui s'est passé avec les gars de The Whale. On est clairement un petit peu dans la merde hein, parce que The Whale contrôle Arkham City. Il nous a quand même fait savoir mine de rien de manière un peu directe que ils avaient le contrôle des entrées et des sorties du quartier, du périmètre. Et du coup, en gros, ils doivent être au courant de qui rentre et qui sort parce qu'ils doivent arroser les agents de sécurité du coin. Du coup, on peut pas vraiment faire intervenir des gens de l'extérieur. Je pense que pour des petites merdes comme nous, ils iraient pas jusqu'à une guerre de gang. Hein. Clairement, on est de la bleusaille, on est rien du tout. Si il faut qu'ils perdent un petit groupe comme ça de mecs, ils s'en foutent complet. Donc pour ma part, je pense que le mieux, bon, déjà c'est peut-être déjà dans un premier temps d'en parler avec, avec les gens avec qui on fait affaire, que ce soit peut-être le banquier ou même les frères Cohen. Sinon, je pense qu'il va falloir obtempérer avec The Whale, parce qu'on ne fera pas le poids. On pèse rien et... Au moins dans un premier temps, prétexter, ouais, ok, on bosse avec vous, et puis en dehors, faire notre petite embouille de notre côté, mais au moins dans un premier temps, ok, voilà, mais au moins qu'ils nous laissent peut-être tranquilles, négocier pour qu'ils nous laissent tranquilles au moins au début, le temps qu'on s'installe et qu'on soit, que ce soit un truc intéressant, parce que là, en l'état. Ça va apporter rien du tout. Ouais. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, perso, c'est ce que je pense. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas grand-chose. Marco ! Toi qui es si prompt à parler et à te faire entendre, qu'est-ce que t'en penses ? Il semblerait que tes propositions, mon cher Pi, soient reçues avec une certaine froideur par tes compagnons. Faut croire, oui. Est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce qu'ils ne sont pas d'accord, ou est-ce que c'est la situation qui les... Désolé, je gérais le petit problème technique. De mon côté, je suis d'accord avec les propositions. Je suis d'accord avec toi. Hein. Mais est-ce que ça va pas nous mettre dans un danger quand même ? Bah, dans les deux cas. Ouais, vas-y. Enfin, en même temps, j'ai envie de dire, c'est soit on se prend une balle maintenant et on pourra pas savoir la suite, soit on accepte et on la prendra peut-être plus tard, mais au moins on aura un petit laps de temps pour tenter quelque chose. Quoi. J'ai envie de dire. Parce que, bon, ils ont affiché la couleur. Hein. On finira dans la flotte. Mais le Yougoslave, là, il a pas des potes, lui ? Le Yougo vient. Le Yougoslave, il va encore s'énerver. Le Yougo vient, il a pas des amis, lui, dans le quartier. Marco ? Je travaille. Oui, donc ça veut dire que pour l'instant, rien du tout. Mais quand j'ai terminé le boulot, j'arrive à meilleure vie. Mais au pire, autre solution risquée, mais peut-être payante jackpot, c'est bomber le torse et tuer le gars. On vient nous chercher, petite Rafale Kalachnikov. Et montrer qu'on n'est pas des clowns, eux reviennent pas. Mais voilà, c'est risqué. C'est comme tu dis. Soit on accepte de faire soumission, soit on n'accepte pas et on tente. Et ça peut tenter, hein, ça peut tenter, mais c'est beaucoup plus risqué que se soumettre, c'est honnête. Si jamais il y en a un deux qui meurt, c'est pas ma faute. Disons que... Moi, je suis capable. Je sais, Marco, mais... Est-ce que vous êtes capable ? Sans question, jusqu'où vous êtes prêt à aller ? Par expérience, Marco, je pense que c'est pas une bonne idée. Hein. Tu vois, si j'ai le visage que j'ai aujourd'hui, c'est pas pour rien. Je pense que aujourd'hui, maintenant, peut-être plus tard... Mais aujourd'hui, on n'est pas en position de se mesurer à The Whale. Il peut venir ici et brancher son téléphone. Et après, on s'amusera à... Ouais, non, mais The Whale viendra pas chez nous. Il viendra pas se... Probablement pas pour charger son téléphone, c'est ça. Voilà, enfin, j'imagine qu'il doit être dans un endroit plus cosy, hein, un peu plus huppé qu'une vieille rue de merde où il y a des clochards qui se baladent. The Whale, il envoie des mecs, il vient pas. Donc est-ce que c'est peut-être possible l'un de ses mecs se branche, et on peut remonter sur plein d'informations qu'on a sur lui, et après le mettre devant certains faits accomplis. Moi, je suis d'accord avec le Yougovien, un coup de calage, ça va être bien. Ouais, non, mais non. Non. Ça me paraît compliqué. Crois-moi, c'est pas une bonne idée. D'accord. Dis-moi, pas maintenant. Aujourd'hui, voilà, on est 5, clairement. Faudra compter sur personne d'autre. Et au niveau logistique, hein, on a quoi ? 2 bâtons ? Allez, au pire, avec un peu de quelques dollars, on pourrait acheter quelques armes, mais ça s'arrête très très vite. J'imagine que The Whale, lui, il doit en avoir des centaines, voire des milliers de mecs qui pourraient bosser pour lui. Alors, même on tuerait ce petit groupe-là, on en aurait 200 qui viendraient matraquer le secteur. Oui, mais tu vois, ça fait démonstration force aussi, c'est ça le truc, c'est coup de poker, c'est sûr que... Quand tu finiras dans la flotte, ton coup de poker, il parce que il faut voir, mais il faut voir, est-ce que lui-même, est-ce qu'il vient pas bluffer? Est-ce qu'il vient être aussi puissant? Est-ce qu'il vient vraiment... est-ce que c'est vraiment son territoire? Est-ce que c'est vraiment tout ce que je veux dire? Et lui, il peut... Je doute pas que ce soit un gars très puissant, mais tu vois, c'est ça la question qu'il faut poser aussi. Tu sais quoi? On a notre gars qu'on a recruté là récemment. Je pense que lui, il est plus à même de nous dire ce que vaut The Whale. Donc au pire, on l'appelle, on en parle avec lui, et on lui demande son avis. Et en fonction de ce qu'il va nous dire, eh ben, on prendra notre décision. Que ça te si va tu veux, si tu okay. veux. Du coup, ben, je... Après, je l'ai jamais dit, j'étais opposé à quoi. Moi, je veux juste que savoir que si on est là, vous savez, vous faites. Donc, tu appelles donc votre contact Looney Royal, c'est ça? C'est ça. Donc, tu l'appelles, la discussion passe très vite, parce que c'est pas le genre de personne à discuter de n'importe quoi. Tu lui dis, il te demande juste ce que tu veux, tu lui dis que tu veux qu'il vienne, et il te dit, j'arrive tout de suite. Ok, parfait. Voilà. Donc, il est donc il arrive. Donc, le temps qu'il arrive, on peut, je sais pas moi, faire... ce que vous voulez ou si vous avez des trucs à dire entre temps. On va mettre les choses en ordre, faire un peu de rangement, des trucs comme ça. Moi pour l'instant j'ai moins de priorité à faire, seulement essayer de donner un peu de gueule à l'endroit. Ok, très bien. Bon, vous mettez un peu au boulot sur les petites choses que vous avez à faire, que ce soit dans l'arrière-salle ou dans la cave, dans le repère informatique de Jean-Baptiste ou même directement dans la partie public du Hour Alibi, où il se trouve actuellement 2 clients qui ont quelques verres. Peut-être que vous avez mis Alex, votre dernière recrue, au bar ou quelque chose pour s'occuper d'eux. Et tu sais quoi, dans ce cas-là, je vais aller me poser au bar. Est-ce que nous on est un peu catégorisé comme employé ou on est plus en sous-couverture C'est à vous de me le dire. Ok. Alors j'imagine qu'il faut quand même comprendre qu'on travaille ici d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et peut-être qu'on se relaie en attendant pour au moins servir de quelques verres de temps en temps, j'imagine, pour dépanner. Et je crois que je vais essayer de taper la discute avec les gens qui viennent, essayer de connaître un petit peu déjà vite fait qui est-ce qu'ils sont, et puis s'il n'y a pas des rumeurs en ce moment, s'ils n'ont pas entendu des échos. Je me pose, je sers un verre, au pire je dis allez, c'est la maison qui offre. Et je leur dis... Bon, qu'est-ce qu'ils se racontent dans le coin? C'est-à-dire que nous, on est nouveaux venus, donc on n'est pas forcément au fait de tout ce qui se passe. Et j'essaie comme ça d'enclencher la discussion. Très bien. Eh bien, si tu le veux bien, je vais te demander un jet charme. Très bien. On va dire que c'est ce qui correspond mieux à cette idée, où tu essaies un peu de gagner la confiance des gens sans forcément marchander ou quoi que ce soit. On verra bien ce que ça donne. Sachant qu'on charge le... Tu as 25, quelque chose du genre. Tu as 25. Social, charme 25, c'est ça. 80. Ok. Très bien. Donc du coup, tu discutes avec eux, tu vois qu'ils sont plus ouverts sur le fait de discuter de leur... de leurs difficultés de leur vie à eux, que de discuter vraiment de ce qui se passe en ville ou quoi que ce soit. La seule chose sur laquelle ils sont prêts à discuter de manière un peu ouverte, qu'ils n'ont pas vraiment de réserve dessus, c'est discuter de la nouvelle régulation pour ce qui est de la frontière entre Arkham City et le reste de Gotham City, qui leur casse bien les pieds, parce que eux aussi ils font un peu des voyages souvent d'une partie à l'autre. Et cette nouvelle régulation, c'est, vous en avez peut-être entendu parler vous-même, c'est la création d'une nouvelle carte, un nouveau pass qui est nécessaire et qui doit être récupéré à la mairie après un certain test, etc. Pour lequel on doit vérifier votre casier ou des suspicions qu'il y a contre vous. Donc ça leur pose énormément de problèmes, ne serait-ce qu'en termes de paperasse, mais aussi en termes de passif pour avoir le droit de bouger. Voilà. Un pass qui, d'ailleurs, je vais vous demander, est-ce que vous avez, depuis l'annonce de ce nouveau pass, lancé vos procédures vous-même de votre côté, ou est-ce que vous avez préféré ne pas le faire, étant donné certains passés, peut-être, de certains? Moi, je l'ai pas fait. Ok. Peut-être qu'on pourrait essayer de le faire sous un faux nom pour tout le monde, ça serait peut-être plus pratique. Moi, je l'ai fait, parce que quand j'ai purgé ma dette... Oui, plutôt en l'occurrence, on ne peut pas trop te faire passer pour quelqu'un d'autre, peut-être assez de vite reconnaître ça. Mmh. L'Arco, maintenant, c'est un citoyen américain. Tu peux y aller. Ouais, t'es américain, vu que je t'ai aidé la dernière fois. Ouais, je l'ai fait, sûrement aussi. Très bien. Donc vous êtes lancé dans cette fameuse procédure, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, vous n'avez pas encore reçu les papiers ou quoi que ce soit. Et en cas d'échec, de toute manière, il y a toujours votre fameux contact qui avait déjà aidé à faire les papiers de Marco. Ou de Monsieur Ponner, comme on dit, de son nom américain. Donc peut-être qu'à l'occasion, il vous sera de nouveau utile. Nous verrons bien. Ok, super. En tout cas, un petit moment passe, assez peu de temps en réalité, jusqu'à l'arrivée de votre fameux contact Looney Royal, qui donc, je vous le rappelle, donc est un homme qui a un certain âge quand même, il a l'air d'avoir peut-être la cinquantaine, quelque chose du genre. Il n'est pas spécialement grisonnant, mais ça se voit à son visage qu'il a de la bouteille. Il a passé certaines années sur cette terre. C'est un gars qui s'habille de manière assez commune en réalité, il a une espèce de pull vraiment un pull de daron en fait, hein. le pull du mec qui a passé sa vie dans des travails honnêtes, un peu en laine, ce genre de choses. Il a des lunettes de soleil à verre rouge, c'est la seule chose qui le démarque un peu d'un type normal. Et une fois qu'il arrive, j'imagine que vous l'amenez dans l'arrière-salle. C'est ça. Très bien. Oui, complètement. Vous l'amenez à l'arrière-salle dans laquelle vous vous réunissez de nouveau, donc. Et il vous regarde donc, attendant ce que vous voulez de lui. Écoute, on est un peu embêté. On a eu la visite hier. A priori de gars qui appartiennent au gang de The Whale. Et ils nous ont, comment dirais-je, fait savoir que qu'on devait travailler pour eux parce qu'on n'avait pas le choix et que si on le faisait pas, et ben on allait en payer les conséquences. Du coup, on a réagi de manière donc plutôt surprise. Enfin, on était assez surpris. On n'a pas forcément tempéré tout de suite. On leur a fait savoir que on devait déjà en discuter avec les gens qui nous ont donné, enfin, avancé l'argent qui nous ont permis d'acheter ce bar. Du coup, ils nous ont donné une semaine pour donner notre réponse. Et je voulais savoir, enfin, on voulait savoir ce que tu pensais du gang de The Whale. Est-ce qu'on peut leur tenir tête ou il vaut mieux s'écraser? Il prend un air un peu pensif, en réalité il a toujours un air un peu pensif, mais là ça se remarque qu'il est réfléchi particulièrement, et puis il se racle un peu la gorge et répond. Le gang de The Whale, je conseille pas spécialement de jouer les malins avec eux. C'est des gars qui ont l'habitude d'y aller violemment. Pour ce qui est de ceux qui viennent de Bloodhaven directement, ça fait des années et des années qu'ils ont... que c'est les patrons là-bas. C'est un peu l'équivalent des Falcons à l'époque, mais dans leur propre petite ville à côté. Et pour ce qui est de ceux qui sont à Gotham, la plupart viennent du gang du pingouin. Et ils se sont fait absorber une fois que l'oiseau est mort, donc... Au moment où il parle, je lève mon verre que j'avais gardé de tout à l'heure, je le tends en l'air et je fais « Feu Falcon » et puis je prends une gorgée. Moi, je prends mon Nexta devant lui. Très bien. Faut pas très pro, ça. Bon, écoute, tu... On avait dit pas pendant les heures de travail. Du coup... Je suis en manque. Finalement, tu confirmes ce que j'étais en train de dire aux autres, c'est que on n'est pas en position de leur tenir tête et de jouer les gros bras, parce que on ne tiendra pas 30 secondes. Ça dépend. Après, c'est à vos risques et périls, mais ce que j'en sais, c'est que, vu la taille de votre petit business, mis à part si vous nous cachez des choses et qu'en fait vous êtes des barons du crime étendus à travers toute la ville, normalement, quelque chose d'aussi petit que vous n'aurait pas dû être remarqué par des gens importants chez The Whale ou chez n'importe qui d'autre. Honnêtement, des petits business, des petits bars comme ça, il y en a plein. Et peut-être qu'il y a un peu de racket qui se fait, mais vraiment vouloir vous absorber, c'est quelque chose de particulier. Le gars qui s'occupe le plus souvent de ce genre d'affaires, à Arkham City pour The Whale, de son petit nom Voka. C'est un gars particulier, c'est sûrement lui qui est venu vous voir, il faudrait que je le voie pour être sûr que ce soit lui, mais c'est un gars qui bossait pour le pingouin avant, et c'est un gars qui est du genre à faire du zèle, si vous voyez ce que je veux dire. Il veut bien se faire voir, alors il lui arrive souvent d'aller faire son propre business d'un côté pour ensuite essayer d'avoir plus de récompenses de la part de The Whale parce qu'il a fait des heures sup. Il est tout à fait possible, mais je dis pas que c'est le cas, qu'il ait pas été envoyé par The Whale et qu'il soit juste venu vous faire pression pour espérer se faire bien voir. Ok. Question. Pas vraiment entre ce que l'ami dit. Là, donc Voka. De son nom complet, Merkulov Vladimir Krilovitch Voka. Eh, ok. Et lui, pas traîner Little... Odessa. Odessa Il en vient, oui, il en vient. Comment ça s'appelle, putain? Sur le club? Ah. Merde. J'ai oublié le nom. Ah, oui, je vois que tu joues. KGB Club? Je sais plus. je vois de ce que tu. Du club dont tu veux parler, oui. Je pense pas qu'il y passe son temps, mais il a sûrement des amis là-bas. Après tout, Little Odessa, ça a une longue histoire d'avoir souvent bossé pour le pingouin. Alors, tous ceux qui ont bossé pour le pingouin connaissent Little Odessa. Kremlin Club. Oui, Kremlin Club, exactement. Ok, good. Et lui, c'est son territoire ici ou pas? C'est le, on accorde lui être le lieutenant The Whale. Oui. C'est son territoire ici. Lui avoir. Lui gérer business et le, lui, personne venir emmerder lui ici. Lui pas avoir concurrence. C'est lui qui est chargé des affaires de The Whale qui se trouve à Arkham City, mais le gang de The Whale n'a pas forcément le contrôle total sur Arkham City. Il gère beaucoup la contrebande, mais. À Arkham City, un peu tout le monde fait ce qu'il veut en ce moment. Vous avez, par exemple, dans le quartier de Kingston District, c'est là où il y a tous les Afro-Américains, là, ça, ils sont pas du tout avec The Whale, ils sont un peu leur propre truc. Vous avez le quartier un peu islamique, enfin arabe, ou ce genre de choses, un peu plus à l'est, qui lui non plus est pas spécialement lié à The Whale. Ils ont pas le contrôle total, c'est juste que ce qui arrive à Arkham City passe souvent entre leurs mains, c'est tout. Ok. Je vois. Ok. Et ils ont pas avoir gros concurrents ici Au sein d'Arkham City? Au sein d'Arkham. Ça dépend vraiment du domaine dont vous parlez. Pour ce qui est de la contrebande, c'est eux qui gèrent. Pour ce qui est de la production de drogue, c'est plutôt Kingston District. Mmh. Ok. Bah écoute, finalement, ça a été une bonne chose de te faire venir. Au moins, on sait que c'est pas forcément The Whale qui a fait venir ce gars-là. Et qu'il y a peut-être du coup moyen d'arrondir les angles, on va dire. Enfin, pas forcément bosser pour The Whale, mais peut-être rendre service de temps en temps. Maintenant, je suppose que malgré tout, même si c'est pas The Whale qui l'envoie, il doit quand même peser un petit peu. Et si on l'envoie chier comme une merde. On risque quand même d'avoir des emmerdes. Donc faudra être assez diplomate, je pense, malgré tout. Mais ouais, Marco, vu qu'il est de chez toi, est-ce que tu peux pas aller sur... Enfin, on peut peut-être aller sur... dans ton quartier de Little Odessa et voir un petit peu s'il n'y a pas moyen de trouver des gens qui pourraient faire en sorte de le faire changer d'avis. Non, mais le problème, c'est pas être dans Arkham. On va devoir sortir et on n'a pas encore les papiers. Est-ce qu'on peut plus sortir du tout, grand chef? Ah, vous demandez au MJ, là, c'est ça? Ah oui, au MJ, bah oui, forcément. Ok. Vous avez la possibilité de sortir, peut-être. Ça se discute, hein, mais ça se fera difficilement. Ça se fera pas genre, oui, on veut passer, ah ben allez-y. D'accord. Ouais, mais ouais, on n'a pas genre un récépissé de demande ou j'en sais rien, quoi, qui permet de passer le temps de savoir où c'était validé ou pas, j'en sais rien. Ok, ok. Ah, pour le moment, non. Cependant, là, c'est. Vous dites que. Qu'est-ce que vous dites qui est hors d'Arkham City? Little Odessa. Non, Little Odessa, c'est au sein d'Arkham City. Ah, bah voilà. Oh, donc on peut y aller, alors. C'est dans la partie nord d'Arkham City, dans celle que c'est un peu ce qui est à côté du Gotham City Arms Hotel, si vous regardez la carte. Okay, donc c'est d'accord. Dans la partie tout au nord d'Arkham City. Nickel. Question. Ouais. Pour ces histoires de passe, est-ce qu'on prendrait pas un nouveau rendez-vous au Arkham Burger avec Jérémia, histoire de voir s'il pourrait pas nous obtenir 2-3 trucs? Je sais plus quel burger c'est exactement. Non, c'était le Bad Burger. Malheureusement, c'était à... C'était le Bad Burger. Ouais, c'est ça, c'était le Bad Burger. C'était à Burnside. C'est vraiment à l'autre bout du monde, quoi. Et on a toujours pas le passé. Oui, en réalité, on peut le faire venir et qu'on a emporté, mais l'idée, c'est surtout de... d'essayer d'obtenir des passes grâce à lui et peut-être à des noms différents. Est-ce que... Bon, après, à voir, est-ce qu'on risque vraiment grand-chose à naviguer sous nos vrais noms je sais pas. Honnêtement, il n'y a pas de mandat d'arrêt continu. Tu avais dit que Pardon, excuse-moi, vas-y. Il n'y a pas de mandat d'arrêt contre nous, on n'est pas recherché. Ça. Enfin, à part si quelqu'un nous l'a pas dit, mais là, aujourd'hui, on n'est pas recherché. Il n'y a pas de prime sur notre tête ou quoi que ce soit. Donc, en quoi ça gênerait qu'on se balade avec nos identités? Surtout qu'honnêtement, ouais, le casier judiciaire, Kaim, c'était par rapport à quoi le casier judiciaire en jeu, je crois, c'est ça. C'est ça, oui. Si vous avez un casier judiciaire, il y a de très fortes chances que ça vous soit refusé. Et aussi, s'il y a eu des suspicions de la part de la Net Security déjà depuis la création de cette zone de confinement, que vous ayez déjà participé à des affaires de contrebande. Non, ça c'est pas le cas. Enfin, pas moi, Léon. Non, les autres. Au dernier de vous, t'as un casier judiciaire. J'ai un casier judiciaire, c'est sûr. Mais bon, après, voilà, je pense que tu peux quand même circuler. Enfin, en même temps, il y a The Whale et plein d'autres choses qui se baladent en ville, qui sont prêts, enfin, qui ont pas l'air de se cacher, hein, tu vois. Donc, je pense que tant que tu foules pas le bordel, on va pas venir te chercher. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est une demande classique, et puis si jamais on la refuse, on passera par Jérémy. Ouais, en tout cas, déjà, on va virer le gars là. Il va se barrer. Très bien, ravi d'avoir été utile. Et merci. Je reviendrai vous voir, bien entendu, pour faire fructifier ces informations. Oui, oui. Très bien. Et il quitte la pièce et il quitte le bar. Ok. Hey, toi, Paul. Quoi? T'as vu tout ce que tu lui dis au début? Tu veux pas lui donner ton vrai nom, ton dossier, ce qu'on fait exactement, et puis tout ça? Mais Tu racontes premier. Hey, rien à foutre, il bosse pour nous, il bosse pour quoi, j'en sais rien. Tu connais pas. Lui pourrait être indique. Lui pourrait travailler police, lui pourrait être une balance, qu'est-ce que t'en sais? Lui pourrait travailler The Whale. Et tu racontes toute histoire comme ça sans problème. Bon, en même temps, j'ai pas de problème, mais. J'ai pas dit grand-chose. Mais t'as dit suffisamment pour nous faire condamner par un tribunal fédéral, putain. Eh, imagine, il avait un micro sur lui, qu'est-ce que t'en sais? Eh, lui peut-être FBI. Eh, tu peux pas faire confiance à un genre comme ça ici. Je devrais pas te l'apprendre. Mais écoute. Quelque chose me dit que je peux lui faire confiance. Et mon instinct, je lui fais confiance. Non, mais c'est juste pour dire, raconte pas l'histoire à tout le monde. Ouais, mais je raconte pas à tout le monde. Mais en même temps, je lui ai pas dit grand chose. Voilà, suffisamment pour te faire condamner. Bah quoi? Faut la loi Rico. Hein. Bah dis-moi quoi? Qu'on a problème avec Gang. Naninana. Qu'on a. Bah, qui n'a pas de problème avec The Gang The Whale? Qu'on a acheté le club, qu'on a acheté le club avec de l'argent de quelqu'un d'autre. Et alors c'est pas de l'argent sale. Alors, quand tu fais un emprunt à une banque, c'est la même chose, sauf que là, au lieu d'emprunter à une banque, on a emprunté à quelqu'un d'autre. Je veux pas m'engueuler d'une énième façon, mais tu crois que c'est très légal de pas passer par le système bancaire, d'utiliser argent que tu sais pas comment il provient, et de faire un emprunt sans aucune signe, aucune transaction financière? Pour moi, il y a rien qui t'empêche. Peut-être qu'en Yougovia, c'est interdit, mais aux États-Unis, on peut encore le faire. Il y a rien qui t'empêche de demander de l'argent à quelqu'un et de lui rembourser plus tard. On est dans le pays du capitalisme, mon ami. Le communisme, ça n'existe pas ici. Je sais très bien. Bon. Mais même en Yougovia, si tu essayes de passer 500 000 dollars et de dire « Ah bah, c'est mon ami, il me l'a donné », ça suffit pas comme réponse. Aux États-Unis, on peut. Sache-le, il va falloir que tu t'habitues. Ah, ça fait pas longtemps que t'es là, mais sache que c'est possible ici. Mais c'est pas grave. Tout ça pour dire, faire attention et raconter pas histoire à preuve. Mais t'inquiète pas, je lui ai pas dit grand-chose. Prison, expérience, toi. Tu sais comment ça marche. Mais j'ai l'expérience, mais là, c'est toi qui t'inquiète pour rien. Je lui ai pas dit grand-chose. Et moi, je finis pas au trou parce que mon ami, il sait pas Je n'ai rien dit de compromettant. Je n'ai rien dit d'illégal. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui est de l'ordre du légal. Donc, ils n'ont rien. Tu es trop stressé, Marco. Allez, stop, arrêtez-vous là. Tu es trop stressé, Marco. Calme-toi. Pas devant les enfants. pas devant les enfants, bref. Ah, c'est vrai, mais du coup, qu'est-ce que tu fais? Pardon. Bon, pas quoi qu'il en soit, maintenant, je pense qu'il faut qu'on aille dans ton quartier, Little Odessa, voir tes compatriotes, enfin, du moins, les gens de l'Est, et qu'on essaye de trouver une solution pour voir s'il n'y a pas moyen de faire changer d'avis ce gars qui nous fait du zèle. Du coup, on va au quartier communiste. Oh, cool. Quartier... Oh, laisse tomber. En effet, après cet abandon de Marco d'expliquer les systèmes politiques de l'Est et l'histoire compliquée qu'ils ont eue avec le communisme, vous décidez d'aller vous rendre à Little Odessa, tous ensemble, j'imagine, si j'ai bien compris. Oui, bah, de toute façon, ça nous fera marcher un petit peu. Et j'imagine aussi plus précisément au fameux club. Comme Kremlin Club, dans lequel Marco a déjà discuté avec certaines personnes, et malgré tout, quand il arrive, certains regards se tournent vers vous, et certaines mains se lèvent, comme pour faire un petit salut, pas spécialement très très motivé, pas forcément spécialement dynamique, mais un petit salut qui décrit « on t'a déjà vu ici, et tu es un visage connu. » Enfin, connu. De nous, en tout cas. Des gens qui lèvent la main. Le Kremlin Club, donc, comme je l'avais déjà décrit, c'est un coin un peu rustique, hein, un peu comme dans le même genre de ce qu'était le Hour Alibi quand il s'appelait encore le My Alibi. Si ce n'est que c'est pas dans un style Texas ou quoi que ce soit, ou cowboy ou motard, c'est dans un style un peu plus slave, au plafond, comme je le rappelle, du coup, il y a une espèce de petite fresque avec une étoile rouge et ce genre de choses. Donc c'est assez folklorique, il faut l'avouer, mais il joue le jeu. Il y a pas mal de gens, il y a une bonne vingtaine de gens à l'intérieur qui discutent, certains qui boivent des verres directement au bar, ainsi de suite. D'accord, est-ce que donc, le mec qui m'a donné du boulot, il est là? Il était à l'arrière-boutique de souvenirs ou une histoire comme ça? Non, le gars qui t'avait donné du boulot, il était parmi les clients. Le gars qui était à l'arrière, c'était un autre type qui s'appelait Milo, auquel t'avais demandé des informations sur ton cousin. Oui. Voilà. Okay. Donc, qui tu cherches exactement? Celui qui t'a donné du boulot? Celui qui m'a donné du boulot. Ils n'ont pas l'air d'être présents aujourd'hui. Ah, bien. Bon, et Milo je vais demander au barman. Tu vas aller donc vers le barman, dont je rappelle un type qui est bien en chair, avec quand même du muscle, une barbe, pas de cheveux, et il te regarde. Tu vois qu'il semble t'avoir un peu reconnu vite fait, tu vois, genre dans son regard, tu vois qu'il a l'air de t'avoir connu, mais qu'il pourrait pas mettre de nom sur toi ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce que tu lui demandes exactement? Pribouche, est-ce que Melo, il est là, par hasard? J'ai besoin de parler avec lui. C'est par... Enfin, si jamais il est là. Par le... comment on dit? Je sais plus, bref. Par le gars qui cherchait son cousin. Préciser Yugovia. Voilà, ça devrait marcher. Tu vois que sans même t'adresser la parole ou quoi que ce soit, il détourne un peu la tête vers ce qui semble être un petit assistant qui est à côté de lui, qui est en train de laver des verres. Qui du coup pose les verres, pose ses. pose ses. Les tissus qu'il avait et semble partir à l'arrière. Du coup, le barman, il continue, il repose la tête vers vous, il dit « Je vous sers un verre en attendant ?» Oui, oui. Mets-moi 4 heures à Dija pour tout le monde. C'est parti. Je m'apprêtais à la dire la même chose, et puis du coup, je me rebelle. Je m'arrête. Vous vous retrouvez donc, chacun avec un verre devant vous, Un verre donc de Marco, tu as dit? Radija. Voilà. Un verre de Radija, chacun devant vous, que vous allez bien entendu avaler pour célébrer les coutumes locales. C'est de l'alcool de Salatom Antonio distillé avec pomme de terre. C'est fort. C'est... Ouais. On s'en sert pour la... une Yougovienne quand vous buvez au petit déjeuner. Ouais, on s'en sert aussi pour le mécanique automobile. Je pense qu'avec de l'extra, c'est bon ou pas? C'est toi qui vois. Merde. Après, on est business là. Oula. Je prends deux extra que... et je siffle toute la bouteille. Ok. Je vais te demander, s'il te plaît, un petit jet avec ta fiche de résistance drogue. Disons que c'est pas spécialement pour résister, mais c'est pour voir à quel point t'es atteint. J'ai peur. J'ai peur. Je pense qu'il va tomber raide sur la table. J'ai fait 30 et j'ai 60. Ok. Très bien. Bon, du coup, tu gobes tout ça. Bon, évidemment, on n'est pas dans un cartoon, donc les choses ne s'enclenchent pas immédiatement ou quoi que ce soit. Mais tu le sens bien. T'es presque sûr d'avoir déjà fait pire que ça, mais en même temps, t'avais pas fait ça avec cette boisson, ce type de boisson-là, donc on verra bien, on verra bien. Mais elle est trop bonne, ta boisson, ça vient de Yougavia, là. Voilà. Ouais. Ah, trop classe, avec l'exta. Putain, les Man Brothers, ils vont boire ça. Alors que c'est meilleur alcool de tout. Il nous en faut plus pour la boutique. Ben oui. Quand on aura cassé avec eux et qu'on fera un propre business sans eux, on se fournira exclusivement avec ça. Et ce sera très bien. Rapidement, l'assistant du barman revient, a l'air de lui parler vite fait, ce que vous n'entendez pas spécialement, parce qu'il y a une musique assez forte quand même qui a l'air de... Enfin, qui empêche en fait de s'entendre si on parle pas assez fort. Et le barman du coup se penche vers vous et vous dit « Passez à l'arrière, Milo vous attend. » Ah, je passe pas. Je vais mettre un petit pourboire, genre, je sais pas, un petit billet de 20 ou de 30 dollars. Enfin, je sais pas si ça existe, un petit billet de 20. Ouais. Donc, il n'en dit pas un mot, mais il a quand même un air satisfait sur son visage. Vous passez donc à l'arrière. Vous êtes accueilli par le fameux... Tu veux dire quelque chose, Marco ? Oui, au passage. Je pense surtout à une personne. Mais là, on est en présence de personnes très sensibles, à fois fort de peau, que sont comme moi. Donc moi, je veux bien faire business avec vous et je laisse passer certaines choses. Eux, ils ne le feront pas. Le premier qui fait une blague de merde sur je sais pas quoi, qu'on vient tous de Russie, ou qu'on a... là, je promets que ce ne sera pas moi qui va le faire sortir de ce club avec trois trous. Et je parle pas de... Tu vois, tu comprends? Eh, ok. Good. Moi aussi. Une fois ces clarifications faites, vous passez à l'arrière, vous êtes accueilli par le fameux garde du corps qui vous avait déjà bloqué le passage avant, qui cette fois-ci ne vous bloque pas le passage. Il semble avoir été mis au courant de votre venue par l'assistant du barman ou par Milo directement. Il se décale, vous montre une porte du regard et vous vous y engouffrez. À l'intérieur, votre odorat est directement attaqué par une puissante odeur de tabac, mais c'est comme s'il y avait eu des années et des années un type là-dedans qui fumait sans cesse et qu'il n'avait jamais ouvert la porte, qu'il n'avait jamais ouvert les fenêtres. Donc c'est très fort, et à l'intérieur, il n'y a pas spécialement de décoration. Il y a quelques caisses sur les côtés, il y a une espèce de table parfaitement ronde au milieu, des petites chaises autour, le genre d'ambiance dans lequel vous pouvez très bien imaginer que tous les soirs, il y a des grosses parties de poker qui se jouent. Si ce n'est que aujourd'hui, pas de carte, simplement une bouteille, quelques verres et seulement un seul homme, Milo. Un homme donc assez maigre, d'une taille un peu moyenne, mais assez maigre en fait. Il a presque quasiment que la peau sur les os, mais qui semble en imposer quand même à la fois par son âge et par son la manière dont il se tient. Il a une grosse barbe très, très garnie, où il semble y avoir pas mal de nœuds, ou en tout cas vraiment très bouclé comme type de barbe. Des cheveux un peu courts, tout ça très grisonnant, même pour ainsi dire quasiment blanc. Milo vous fait un signe de la main quand vous rentrez, il vous dit « installez-vous, installez-vous ». Installez-vous chez Milo. Et je te présente mes collègues, nous sommes associés, nous sommes les propriétaires du bar Maya Levy. Je ne sais pas si je t'avais dit c'était quoi notre business, mais voilà. Enfin, un nouveau propriétaire du bar maintenant, Aor Arubi. Donc, si on vient te voir, c'est parce que nous avons un problème. Avec pas n'importe qui. On voudrait déjà d'abord. Donc, on vient d'arriver. On est d'accord, personne ne nous connaît. Tu ne me connais pas, tu ne connais pas lui, tu ne connais pas lui, tu ne connais pas. Tu n'as jamais entendu parler de nous, Milo. Comme ça. Ok. Bon. Pas que je sache. On rachète business, on commence petit business. Bon. Je sais pas, tu as attendu quoi qu'il y avait quelqu'un qui avait racheté Mayarabi ou qui. Non? Est-ce que ça t'est pas revenu à tes oreilles? Tu vois qu'il réfléchit un peu, il plonge son doigt dans sa barbe, il a l'air de jouer un peu avec les nœuds dans sa barbe et. J'ai peut-être entendu parler, oui, de. Du Mayarabi qui a réouvert, mais. Pas vite plus. Fait. Vite fait quoi? Oui, vite fait. Ok. Bon, nous, ça fait même pas une semaine on a ouvert, il y a les baleines qui se pointent, gong, et je crois que c'était Voka, et il vient nous dire que on doit travailler pour se soumettre et faire pute pour baleine blanche là. Lui croire que nous on est né de la dernière pluie, toi-même tu sais, toi-même tu comprends. Bon, nous aussi tenir tête, et lui nous dire une semaine pour accepter un boulot. Bon. Est-ce que déjà il a le droit de faire ça? Est-ce que c'est vraiment, je sais pas s'il y a des accords ou des choses, mais pour que tu pour qui est paix ou quoi, il faut toujours un accord. Est-ce qu'eux avoir le droit de faire ça sur leur territoire? Est-ce qu'eux, ils empiètent pas sur le territoire de quelqu'un? Et comment eux, ils peuvent être au courant que nous, on arrive, qu'ils nous mettent la pression spécialement sur nous, alors que nous, discrets, nous pas faire grand-chose, nous, je veux juste avoir viré de trois clochards de merde. Bref, est-ce que toi, avoir l'idée de tout ça? Déjà. Comment se fait qu'eux, ils repèrent nous? Alors que nous rien fait. Je peux pas répondre sur ça. Aucune idée de comment ils pourraient être au courant de votre existence. Ok. Mais si c'est vos cas, c'est pas normal. Je vois qu'il reprend, il reprend un peu de sa position, il a l'air de réfléchir un peu à ses mots. Voka, c'est pas quelqu'un qui fait ce petit boulot comme ça. Il gère, mais il va pas souvent sur le territoire. Il va pas directement faire le travail lui-même. S'il est venu, c'est que c'est pas officiel. Ok, nous avoir le témoin confiance que Voka, mes frères zèles, entre guillemets, que de travailler tout seul pour, j'imagine, faire surprise à tout ça. Moi, je dis, ça pue un peu quand même cette histoire de... Enfin, je veux pas répondre à l'humeur et faire... voilà, mais... Quand un gars ne dit pas tout ce qu'il fait et qu'il te donne juste de temps en temps beaucoup d'argent, moi, je pense que c'est parce qu'il te cache beaucoup de choses et qu'il en garde de côté, tu vois ce que je veux dire? Qu'il pas... Enfin... Que... Ça pourrait être ça, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que... Il dit pas tout, il fait dans son coin, il donne une partie de temps en temps comme un chef, mais la plupart il garde pour lui et il fait... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être ça ou c'est vraiment pas jaune? Et c'est vraiment réputé être homme loyal et tout... Je peux pas dire. Vos cas, je peux dire des choses, mais pas tout. C'est... Il vit plus ici, mais ça reste quelqu'un d'important. On me prendra pas à raconter des choses qu'il ne faut pas. Ok, je comprends, c'est être ton honneur et tout ça. Maintenant. Moi... Je sais pas qui travaille avec qui ici. Moi, je te le dis, je peux travailler ici. J'ai commencé petit boulot, tout ça. Moi, là, les gars, ils viennent mettre le bâton dans mes roues. Ils viennent, m'empêcher de faire mon travail. Résultat, je suis pas en capacité de travailler pour les gens ici. Et c'est quand même être problématique. Moi, tu n'as pas répondu sur ça. Est-ce que... Il y a une division du territoire à Arkham City qui est stricte, qui est nette, ou je ne sais pas moi, quelque chose qui dit que telle zone elle est sous la responsabilité de telle zone, de tel mec, et que là, on est où nous? Est-ce qu'on est en zone d'un endroit qui appartient à personne ou... Voilà. Est-ce qu'il y a des choses pour nous protéger? Je ne sais pas, on traité, division... C'est compliqué Arkham City. Mais les murs, tout ça, ça a mis le bazar. On sait plus trop qu'est-ce qui appartient à qui et à quoi. Ah, ça, c'est jamais bon signe. C'est jamais bon signe. Tu crois qu'il pourrait y avoir guerre? Je veux pas dire bêtises, mais... C'est possible, mais il n'y a pas d'adversaire assez gros pour The Whale, sur le territoire encore. Ouais. Plein de petits, Kingston, à l'est avec les Arabes, il y a certains même ici, à Little Odessa, qui apprécient pas trop, qui préféraient l'ancienne époque, mais... Tout seul, ils peuvent rien. Ok. Ok, ok, ok. Et tu crois... Peut-être j'ai dit une connerie, hein, mais possible aller à Blue Devon et avoir directement rencontre avec la baleine blanche. Non. Impossible. Ouais. Lui être évoqué d'Arkham, c'est ça, bon? Non, il a jamais été en prison, je crois. En tout cas, pas dans ce pays-là. Il vient d'Afrique du Sud, je crois, quelque chose comme ça, mais... Oh. Pas en Amérique. Ok. Tout le monde sait que c'est lui, mais la justice l'a pas encore prouvé. Je vois. Bon, et toi, écoute. Toi avoir dit que toi pas pouvoir révéler les choses sur Honor, tout ça. Nous. dire, tout a un prix, soyons honnêtes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rentrer dans bonne grâce à toi? Dis-moi. Tout. Travail, argent, et... sale boulot. Je crois qu'on est des professionnels aux multiples talents. Oui. Je vais peut-être nous faire valoir un petit peu à côté, même si c'est un peu... Et le plus habilité lors de cette interaction, je propose, même un peu intuitivement par mon langage corporel, par exemple, de commencer par Pi, qui est peut-être après Marco le plus légitime à discuter, de moins se présenter en quelques mots ses compétences. Je fais comme si je te passais la parole. Disons que de mon côté, j'ai de ma formation de base des compétences en cambriolage, même si par la suite j'ai travaillé avec des gens, disons, plus ou moins influents, fut une époque, mais aujourd'hui c'est un passé révolu. Et j'essaye de faire vendre, de vendre mes talents au, entre guillemets, au plus offrant. Et mais je sais que il y a des choses que je ne peux dire, et si on me dit que je dois rien dire, alors je ne dis rien. De mon côté, j'ai servi pendant de longues et loyales années dans le gang de l'épouvantail. Je servais à la fois lors de différentes missions, un petit peu. C'est quoi le mot pour dire qu'on touche à tout? C'est. Polyvalent? Polyvalent, exactement. J'avais ambidextre dans la tête, mais c'était pas le bon contexte. Du coup, polyvalent. Et surtout, je servais à faire valoir la valeur des hommes et leur loyauté au sein du groupe en leur faisant des tatouages en rapport avec leur gang. Et vous vous doutez bien que si vous avez un infiltré de tel ou tel gang chez vous, il refusera de se faire porter les marques de votre groupe. On peut ainsi, et si jamais il accepte, parce qu'il n'est pas une taupe, vous pouvez être sûr qu'il finira pas chez la concurrence dans quelques années. C'est donc la meilleure manière de faire savoir que quelqu'un est avec vous. Ouais, je donne un coup de coude à Jean-Baptiste. Votre truc là, il fait mal à la tête. Moi, je suis un hacker en fait. Je crée des logiciels pour récupérer plein de données de portables, d'ordi. Tout ce que vous voulez, je peux l'obtenir. Il suffit juste que la personne se branche et j'ai tout. Moi. Pas faire des raids. Un train, bien évidemment, ça c'est impossible. Pas dans un film non plus. Désolé, j'ai mal au crâne. Oui, retourne. Et moi, du coup, je suis militaire. Je fais guerre civile, guérilla contre guérilla, révolution contre révolution, contre guerre civile. Je fais beaucoup. Voilà, moi je sais manier beaucoup et je sais dessouder. Donc toi, on a tout ce qu'il faut dans l'équipe. Maintenant, moi j'ai juste, si tu me dis quoi faire, tu me dis que service, tu me dis combien tu... On a même argent. Si tu veux argent, on a argent. T'inquiète pas. On est là. Dis-moi ce que je peux faire. Je vais tous vous demander à chacun un jet de marchandage, on va dire. Ça me semble bien. Alors, marchandage. Bah, de toute façon, ça sert à rien. Moi, j'ai zéro. Donc. Ça, c'est rigolo. Moi aussi. Moi aussi, j'ai zéro. Il va croire que je suis un mec Je ne sais pas marchander. Mais... Non, je marchande pas. Je serais pas capable de négocier une boîte de tic-tac lors d'un trafic de 10 millions de cocaïne. Ils ne sont même pas capables, n'ont pas 1% de chance d'y arriver. C'est un échec absolu. Vous voyez que il a... Vous voyez dans son regard, au fur et à mesure que vous parlez les uns après les autres, qu'il a des expressions assez différentes de l'un à l'autre. Vous voyez que quand c'est Marco qui s'exprime en dernier, donc il a l'air assez sérieux. Peut-être même qu'il a une espèce de passé un peu commun avec ce genre de choses. Peut-être pas dans le même pays. Milo est un Serbe, après tout. Mais pour ce qui est par exemple de Jean-Baptiste, il n'a pas l'air spécialement impressionné, notamment parce que Jean-Baptiste se balance un peu de gauche à droite, il a les yeux éclatés. Et il n'a pas fait une prestation très, très développée. Pour ce qui est de Paul-Édouard, vous voyez qu'il a l'air un peu méfiant quand Paul-Édouard parle, et c'est sûrement parce que on a tendance à se méfier des gens qui portent des masques, même quand ils sont ne serait-ce que sur la moitié du visage. Et pour ce qui est de Ruby, vous l'avez vu presque... ses yeux s'écarquillent l'espace d'un instant quand elle apparaît de l'épouvantail, et après ça, avoir un air un peu... très douteux. Il y a certaines personnes que travailler avec des noms aussi fous impressionne, et il y a d'autres dans lesquelles ça donne plutôt des raisons de se méfier. Au final... Il se tourne de nouveau vers toi, Marco, et il t'a dit j'ai pas beaucoup de choses que vous pourriez faire, vous tous, de très bon avec vos talents, mais je peux proposer quelque chose de risqué. On t'écoute. Vous connaissez Robinson, le Robinson Park dans Arkham City, avec le grand réservoir. Ouais. Le petit lac. Là-bas, il y a plein de roublards, plein de SDF, plein de gens. Comme votre ami, là, avec un peu trop de choses dans le sang. Je caisse. Ouais. Ok. Beaucoup de gens comme ça. Des gens qui s'organisent entre eux, différents groupes, différents gangs. Très agressifs. Pas de stratégie, juste on attaque n'importe qui, on prend ce qu'ils ont. Ils ont attaqué des hommes à moi, ils ont pris des choses à moi. On les tue, du coup. Pas toi, oui, mais oui. Ouais, vous voulez récupérer ce qui vous a été volé? Je veux récupérer ce qui est à moi, et je veux qu'ils se souviennent de plus s'attaquer à nous. Ah. Donc pas les tuer, forcément. Ok. Quelques-uns, peut-être. Oui. Ouais, un exemple, quoi. On veut les tuer. Exactement. Ok. C'est les... Je connais le nom, parce qu'il y en a plusieurs là-bas. Je connais le nom de leur petit groupe, c'est... Frères de la Nuit. Les Frères de la Nuit. Ok. Ils traînent où dans le parc? Ça, je sais pas, ça bouge. Ils se virent les uns des autres de leurs différentes langues. Ok. Ok. On a peut-être moyen de savoir où ils sont, je pense. Oui. Oui, je crois qu'on a un infiltré là, qui est prêt. Je me tourne vers Jean-Baptiste. Bon, pas forcément, mais on a peut-être des... Un doigt, je lui dis, moi je suis pas un homme du terrain. Moi. Je On a peut-être des gens qui pourraient nous aider, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Ok, tu vois, on est plein de ressources. On fait ton job, on revient. Tu nous dis ce qu'on veut, ok? Merci. Merci. Tiens, prends ma main. Deal. Good. Bien. Ok, bah on va te laisser, Milo. Merci beaucoup. Et nous, on revient te voir plus vite. À bientôt. À bientôt. Ok. Donc, vous quittez les lieux. Et je vais donc vous demander, maintenant que vous êtes sur le bas de la porte du Kremlin Club, sûrement, sauf si vous voulez y rester. Et la suite. Écoute, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on sache, qu'on ait des infos sur eux, en demandant à Alex. Et Megan. Bon plan. Ça, c'est Megan. Bon. Ouais, j'ai plus le nom. Ouais. C'est ça. Bonne idée. Voilà, je pense qu'ils doivent connaître pas mal ces petits jeunes désœuvrés. Et il y a peut-être moyen d'en savoir un peu plus sur eux et de savoir à qui on a affaire vraiment. Parce que s'ils ont réussi à détrousser des gars de ce gars-là, je pense qu'ils sont pas venus les mains dans les poches, quoi. Il faut qu'on soit armé. Ouais, par contre. De toute façon, on devait passer par là. Maman doit rester là-dedans. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On braque une armurerie? On a des sous. Braquer. Déjà, je sais pas s'il y a encore des armureries dans Gotham, mais tu sais... J'ai beau être un immigré, je sais que déjà de raquer une commerce, épicerie chinoise, c'est compliqué aux États-Unis et qu'un mec qui peut sortir le Glock. Alors la mairie, j'ai pas envie de savoir ce qui peut sortir. Moi, j'ai pas envie. Moi, je suis plutôt d'accord avec Marco. Sort du mur. Non, alors peut-être que plutôt que braquer la mairie, on pourrait braquer le camion qui la livre. Moi, je pense qu'on va juste acheter des armes. Mais j'avoue, on est en Amérique, on peut acheter des armes sans jamais... Mais on n'a pas l'arme. Ça. Mais si, on peut faire aussi. Récemment, j'ai vu un vieux documentaire sur les années 70-80 et la robotique. Et il y a un gars qui mettait en place cette technique plutôt inventive, où il achetait une arme dans une armurerie et puis il braquait le vendeur avec le fusil qu'il venait d'acheter et le tuait. Pour pas le payer. Ça, ouais, c'est pas mal, mais je pense qu'on a encore des sous et c'est pas ce qui doit être le plus cher ici quand même. Enfin, au pire, un armurier, j'ai croisé Arkham, il avait été enfermé là-bas pour des histoires pédocriminelles. Je pense qu'il manquera à personne si jamais on lui tire une balle dans la tête. Hein. Oh, j'aurais le droit de le tuer, j'ai toujours rêvé de tuer un pédophile. Ouais, mais écoute, au pire, moi je peux essayer de voir si j'ai pas des contacts qui peuvent nous vendre des armes pas chères. Hein. Est-ce qu'il y a des armureries, des comptes, enfin, est-ce qu'il y a des trucs sur Arkham City déjà? Alors, ça paraît compliqué. Sur Arkham City, non. Ok. Sur Arkham City, non. Ok. Bon, et du coup, Paul-Edouard, il pourrait avoir des contacts. Je vais essayer de voir si j'ai des contacts. C'est possible. Paul-Edouard va donc nous faire un jet de... de contact. Oh, c'est le moment de... Oui, c'est ça. C'est le moment de... De faire un bon geste, s'il te plaît. Tu as dit quelque chose, Ruby? J'ai pas entendu. Est-ce que si jamais il le rate, je pourrais le tenter aussi? Tu peux le tenter en même temps, si tu veux, aussi. C'est pas terrible, hein. Moi, je fais 24. Alors, j'ai raté. Ok. J'ai 24, mais je sais pas combien j'avais. J'ai 24, tu as fait? Ouais, c'est dans social, c'était quoi, un test de quoi? C'est contact, et tu as 15. On se compte pas trop hacker son Google, hein, si tu veux savoir. Ouais, c'est bien savoir. Ok. Non. Eh bien, ouais, que ce soit de ton côté, Paul-Edouard, de ton côté, Ruby Parks, il semblerait que vous connaissiez pas spécialement de gars qui puissent vous passer des armes comme ça rapidement. Du moins dans Arkham City, quoi. Dans Arkham City, ouais. Jean-Baptiste, si tu veux, tu peux essayer de me faire un jet de contact, si tu veux, Jean-Baptiste. Il y a Falcon qui s'est fait descendre récemment, il vaut bien l'enterrer avec le 3 qu'elle a chez Ikoff. Hein. C'est comme ça qu'ils font dans la mafia. Personnellement, c'est pas l'endroit où j'ai envie d'aller, moi. je suis en train de profaner sa sépulture, je pense que tu prends cher. J'ai fait 1, mais je sais pas ce que c'est qu'il faut... C'est quoi comme truc? Contact, j'ai 40 encore. Et, en fait, et là, t'as 0. Non, je fais 1 et j'ai 40. Un, très bien. Il est quand même clamé, hein, mais... Et bien, Ok. Eh bien, toi, alors que tu es à moitié dans une espèce de voyage astral sur ton toit intérieur, tu as une fulgurance de l'esprit, et tu te rappelles soudainement de ce gars pour lequel t'avais programmé et sécurisé un site entier qui était sur le dark web et tout ça. Tu l'y avais fait, où c'était un type qui vendait un peu tout et n'importe quoi de manière illégale sur internet. Et un type qui vivait à Gotham City et qui, d'après toi, pourrait bien se déplacer jusqu'à vous, enfin jusqu'à un point de rendez-vous que vous ayez choisi, qui pourrait vous amener ce dont vous avez besoin. Tu as toujours ses contacts. Moi, je me rappelle. Il est complètement en plein trip, et puis lui, son truc, c'est le digital, tout ça, le numérique. Son gars, il va nous vendre des NFT. Hein. Oui, je l'appelle. Alors attention, c'est une arme très dangereuse, c'est une piège de Minecraft. Allez. Du coup, on abandonne toutes les activités criminelles, on se lance dans la... Tu appelles du coup au fameux contact dont tu te rappelles, avec lequel tu avais discuté avec lui, et ce n'est pas une voix qui te répond, mais une série de nombres. Ah, une série de nombres par voie électronique. Et je vais te demander, s'il te plaît, un petit jet. En informatique ou en tout cas en informatique. En informatique. Ben, je regarde combien j'ai en informatique quand même. C'est... Après, ne t'inquiète pas tant que ça, tu as fait une réussite critique sur le contact. Bon, on ne parle pas d'un échec ici. J'ai fait 24 et j'ai 50. Ok, très bien. Cette série de nombres, tu la connais parfaitement. En réalité, c'est même encore une fois un des codes que tu as mis en place pour lui. Il semblerait qu'il ne soit pas beaucoup renouvelé depuis la fois où il t'a engagé. Mais ça indique la manière donc de rentrer en contact de manière sécurisée avec lui et sur quel canot tu dois te connecter, etc. Chose que tu fais immédiatement avec un petit ordinateur portable, quelque chose que tu as sûrement sur toi. Ouais, il me semble que c'est ce que tu as. Je crois que oui. Oui, en effet. Que tu fais rapidement, tu rentres en contact et je vais simplement vous demander où est-ce que vous voulez avoir rendez-vous avec le fameux arnaqueur de Jean-Baptiste qui va vous vendre des NFT. Est-ce que lui, il a la possibilité de venir à Arkham City ou pas? Oui, il a la possibilité. Venir à Libby, non? Il aime bien l'alcool. Il pourrait venir chez nous, au pire, c'est vrai, non? Alors, non. Encore une fois? T'inquiète pas, il n'y a pas de FBI. On fait pas de toutes les transactions, trucs, tout ça, dans notre bar. Ok? Si tu veux pas attirer l'attention, tu fais ça dans un coin un peu plus discret. Bah dans mon appartement, c'est bon, ça ira. Ouais, qui est juste au-dessus du Maya Baby. Non, mais écoute, on va prendre une chambre, on va réserver un motel miteux à 5$ la nuit. Et on prend une chambre là-bas, on lui donne rendez-vous là-bas, ok? Ça, 5$ la nuit, c'est vraiment miteux. C'est moins cher. Et tu veux dormir? Si tu veux dormir, tu dors. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, tu dors juste avec les cafards. Voilà. C'est à vous de voir, parce que je pense... Là, c'est une question MJ que je demande, mais ça veut dire que si c'est moi qui l'ai programmé, normalement, il y a une tri, non, pour la demande. Il y a quoi? Il doit pas y avoir une minuterie ou un truc comme ça, une sorte de code qui fait que si ça reste trop longtemps, le temps qu'on cherche là où l'endroit, ça coupe et il faut tout recommencer. Je sais pas, je vous pose la question. Est-ce que... C'est bien possible, oui. Est-ce que moi je peux me permettre aussi, alors qu'ils vont acheter les armes, de partir de mon côté? J'aimerais bien faire un petit tour dans une boutique de décoration et dans un magasin de pêche. Je suis pas expert pour négocier des armes, donc si ça leur va, je ferai bien un petit détour. Alors la dernière fois, j'avais demandé s'il y avait un magasin de sport aquatique. Bon, je sais pas si la pêche est incluse dedans. Arkham City, on m'avait dit non. En effet, au sein d'Arkham City, il n'y en a pas. Bon, les décorations, ça se tente peut-être. Alors une boutique d'antiquité alors. Mais ouais, un truc un peu sympa, tu vois. Eh bien, c'est ton jour de chance. Et il y a en effet une petite boutique d'antiquité. Avec des petits bazars, des petites friperies où des gens pourraient vendre des trucs un peu improbables, un peu d'époque, un peu machin. J'ai un truc en tête que j'aimerais bien acheter. Oui, tu trouves ça. Je te l'envoie en message privé, tu me diras si c'est bon. Bah, si c'est bon, quand je retrouverai les autres au Our Alibi, on pourra retirer le principe que je l'ai. Bah, sinon, je m'affiche, je suis blanc et tant pis pour moi, j'aurais raté la scène de la négociation. Vas-y. Ok. De toute façon, j'ai jamais aimé les cafés. Ça marche. De votre côté, donc, vous m'avez dit, donc vous voulez vous acheter une chambre d'hôtel, c'est ça? Enfin, dans un motel et... Ouais. On est bien resté là-dessus? Ok. Ouais. Très bien. Donc, vous trouvez une place, enfin une chambre dans un petit motel pas spécialement connu. De toute manière, Arkham City n'est jamais eu spécialement d'hôtel très connu, mis à part le Arms Hotel. Juste en face du CPD Major Crime Unit. Exactement. Vous y trouvez, vous y réunissez. L'adresse est envoyée donc par Jean-Baptiste. Et tu reçois rapidement une réponse, Jean-Baptiste, qui dit qu'il va vous retrouver là-bas. C'est bon, on peut y aller, les gars. Là-bas. Vous vous déplacez jusque là-bas, vous y retrouvez et vous êtes rapidement rencontré donc par ce fameux contact qui est de son pseudonyme nommé Northmont. Donc Mont du Nord ou Pic du Nord en français, mais Northmont. Un type qui a l'air bien en chair, lui aussi, qui doit faire 1m80, dégarni. Il a juste des cheveux sur le côté juste du crâne, pas spécialement d'autres pilosités faciales, des sourcils assez épais. Sur son front, il a ses lunettes de soleil qu'il a relevées parce qu'il fait pas spécialement énormément soleil en ce moment. Comme je l'ai dit, il neige en ce moment à Gotham, donc on voit pas le soleil ou quoi que ce soit. La seule raison pour laquelle il les a sur lui, c'est sûrement pour éviter les réflexions sur la neige qui pourraient être très aveuglantes. Mais pour l'instant, il les a pas directement cachant ses yeux. Il vous y retrouve, et donc dans votre espèce de petite chambre de motel et tout ça, il sort une valise, qu'il pose sur le lit, qu'il ouvre, et qui vous dit « Bon, vous avez de la chance, parce que normalement, je fais attendre énormément les nouveaux clients pour histoire de vérifier s'ils sont sérieux, si c'est pas des flics, quoi que ce soit, mais bon, vu que vous avez mon vieil ami. Mon pote, ça va? J'imagine que je peux vous faire confiance sans souci. Je fais leur confiance, t'inquiète. Moi, je leur fais confiance, si c'est pas des flics. Bon, bah, c'est une bonne chose. Alors, j'ai pas amené des choses très lourde pour vous cette fois-ci, parce que même si vous avez le bonhomme, on sait jamais. Donc qu'est-ce qui vous intéresse? J'ai quelques armes de poing, j'ai le plus lourd que j'ai actuellement, c'est un fusil à pompe qui est démontable, il est en pièces actuellement. Pour ce qui est de reste, ce sera des armes de poing ou j'ai aussi des couteaux de combat et ce genre de choses, hein, si c'est nécessaire, mais... Non, pour moi, voilà. Ce sera une arme de poing. Ok, alors, ce sera deux Glock 19, le fusil à pompe Remington, un Colt 456. Je veux aussi des munitions Magnum pour le... À tête creuse. Je veux couteau Bowie. Je veux couteau de couteau Bowie. Voilà, bref. Je veux aussi Makarov. Ok. Tu peux voir ça. Ok. Ouais, vous pouvez avoir ça. Bien. Attends. Marco, tout ça, c'est pour toi? Non. Fais confiance. Ah, si tu fais la commande pour tout le monde là, parce que tu m'as fait peur pendant un instant, j'ai cru que c'était tout ça juste pour toi. Non, pour moi ce sera pour la prochaine commande. Je voudrais une AK-47 avec l'os démontable, avec aussi des grenades à main, fabrication soviétique fragmentée. Je voudrais aussi fusil de sniper avec lunettes pour aller jusqu'à 200 mètres. Tu me trouves n'importe quoi. Je voudrais aussi mitrailleuse lourde AKPM avec 1500 munitions. Non, ça, je plaisante. Mais si tu peux me trouver une AK-47, c'est très bien. Ah ouais. D'accord, pendant un moment j'ai cru que vous prépariez un coup d'état. c'est toujours réglo avec moi, t'inquiète. Ouais, bon, bah oui, je pourrais vous trouver l'AK pour la prochaine fois, je pourrais, ce sera faisable ça. Oui. Ok. T'as pas des pistolets mitrailleurs? Pas maintenant, pas là. La prochaine fois, d'accord. Avec l'AK si tu veux. Mais... Jean-Baptiste. T'as déjà tiré avec une arme dans ta vie? Ouais, quand je travaillais pour les triades chinoises, oui. Ok. Bon, déjà, je veux savoir comment tu s'en sers avec le Glock 19. Ensuite, on va pour le Uzi. Mais tu me mets un Uzi de côté, ok? Très bien, très bien. Et personne veut quelque chose d'autre? Bon, moi, les armes de poing, ça me suffit. Ah, Glock 19, c'est très bien. Mm-hmm. Ok. Très bien, très bien. Vous voyez qu'il cherche dans sa valise. C'est une énorme valise d'ailleurs. Hein. C'est une espèce d'énorme valise que vous voyez qui est le genre qui est fait pour y mettre des gros instruments de musique par exemple. Ah, roulette. Ouais, ce genre de truc là. Donc voilà, il cherche un peu là-dedans. Il retire des espèces de faux fonds ou quoi que ce soit. Vous voyez que les faux fonds servent pas spécialement à cacher des armes parce qu'il y avait déjà des armes visibles dès qu'il ouvrait. Mais dans les faux fonds, il y a d'autres armes encore. Il les sort, il les pose sur le lit comme ça, et il fait bon. Il va être temps de parler du budget. On paye cash. Ah, parfait. Ah, j'aime les gens sérieux comme ça. Je te l'ai dit, ce sont des gens sérieux. Ah oui, bon, je m'attendais à ce que vous essayiez de me payer en crypto-monnaie comme l'autre la dernière fois il a voulu qu'on fasse, mais. Bon, c'est toi qui m'appelle. Mieux comme ça. Non, on a une éthique ici. Bon, avec tout ce qu'il a commandé, Marco, je pense que tu peux faire quand même un prix sympathique, non? Alors, je peux faire un prix sympathique, mais c'est la première fois qu'on se voit. Je suis pas du genre à faire des petites bistournes pour les nouveaux clients. Les nouveaux clients, il faut qu'ils deviennent clients par l'effort. Oui, oui, pas de problème. Okay. Je prends la majorité si jamais il faut, pas de problème. Sur ma part. Très bien, très bien. Donc bon, pour tout ça, et plus la sécurité, la difficulté du trajet, parce que... Ouais, il a fallu lui faire ses papiers, il a fallu lui faire passer ça. Moi, ce que je vous propose, c'est parce que je suis gentil, on va partir sur... sur 10 000. Ok. Je prends en compte aussi peut-être au moins une partie de la prochaine commande, donc sur les réserves que vous avez fait, enfin sur les commandes que vous avez fait. Le reste, il y aura sûrement encore à payer la prochaine fois, rien que pour les services, le déplacement, tout ça, mais c'est ça. Je peux te payer en faisant une mise à jour sur tes logiciels que j'ai tenus. Non, je vais prendre l'argent. Ah. Ok. Bon. Je mets 11 000 pour comme ça. Tu vois, moi je suis sérieux. Je fais travail et tout. Par contre, regarde-moi bien dans mes yeux. Si jamais j'ai une seule de tes putains d'armes qui sonneille ou que je me rends compte que tu m'as passé des munitions frelatées. Compris? Il n'y aura aucun souci avec mes armes. Okay. T'inquiète, Victor. Tu sais quoi? Fais-moi confiance, c'est un ami. Sinon, je l'aurais pas appelé. Ok, ok. 11 000 $. Que du coup, il a des étoiles dans les yeux. C'est de l'argent qu'il engouffre dans un faux fond dans sa valise. Et il vous dit, ça a été un plaisir de faire affaire avec vous et on se retrouve très vite pour votre commande. Et n'oublie pas, hein. T'as vu que je t'ai amené plein de très bons clients. Hein. Tu peux nous trouver à ancien Maya Libby, maintenant Or Libby, n'hésite pas à venir, je te fais réduction sur le prix des cacahuètes. Bonne journée. J'y penserai. Des cacahuètes. Du coup, il quitte les lieux assez rapidement en réalité, et il vous laisse tranquille donc avec vos armes. Moi, je prends un Glock que je mets dans le dos vite fait là. Avec une cartouche, hein, évidemment. Bah, c'était bien là, non? Vous m'avez fait confiance. Ouais. Non, mais très bien. Bon. Bah, bravo à toi. On n'attendait pas moins de toi, même dans ton état second. Ah, mais moi, quand je travaille dans mon état second, je fais des folies. Vous savez. Quoi qu'il en soit, on ne doit pas traîner parce que il faut qu'on fasse le job et on doit encore aller voir les deux jeunes pour avoir les infos. Moi, je dois faire un programme. Ok. Un programme ? Non. Toi, tu vas servir là-bas. Comme on avait dit. Non, tu vas pas y échapper. Tu vas servir là-bas. T'as choisi d'être junkie devant mes amis. Tu vas faire le junkie devant les junkies. C'est comme ça. C'est pour... Mais... Moi, c'est pas un junkie. T'as même dû avoir un Glock. Ok ? Mais tu fais là-bas. C'est comme ça. Oh. Je le sens pas. Dis-lui quelque chose, toi. Bon, écoute, il faut qu'on aille au Harleby pour voir les jeunes. On n'a pas le temps, il faut qu'on se grouille. On parlera de ça après. D'accord. Vous repartez donc en route du Our Alibi, auquel vous retrouverez Ruby qui est revenue elle aussi. Est-ce que je peux leur montrer avant qu'on enchaîne les petits achats? En effet, tu peux. Alors, vous voyez que derrière moi, il y a deux grands cartons. Le premier fait probablement quelque chose comme un bon 1,50 m sur 1 m. Et l'autre fait un bon, on va dire, 50 cm sur 2 mètres, voire plus de 2 mètres. Du coup, on en a un gros très rectangulaire et un vraiment très très long. Mais petit. On commence par déballer le premier, à l'intérieur duquel vous voyez tout neuf, tout frais, des néons, mais très grands, qui serviront de devanture à Lévi. Parce qu'honnêtement, et là je vous l'explique de mes mots... je trouve qu'on n'a pas encore assez de clients et je pense que ça pourrait être sympa de marquer notre présence ici avec voilà exactement un truc qu'on pourrait accrocher dans la rue qui ferait comprendre à tout le monde qu'on est à nouveau ouvert. Et dans l'autre, ça c'est un peu plus personnel, c'est plus pour faire passer un message, même si j'ai besoin de l'accord de tout le monde, notamment probablement Pi et Marco qui sont un peu c'est les gars qui ont le plus de bouteilles quoi dans le groupe. Moi j'aimerais bien passer un petit message à Zoé. Et du coup je vous propose au niveau de la devanture de bar d'accrocher un gros harpon de 2 mètres. histoire de. Et du coup ça c'est le grand carton. je pense pas que ce soit une super idée, du moins en ce moment. Peut-être tu peux le mettre à l'intérieur. En attendant. Bon, en attendant, on le met au niveau du bar et après on le mettra à l'extérieur. Par contre, on fait pas un bar à vitre. Je préviens, thématique qu'on n'a pas encore choisi. Moi, je dis, attention. Hein. Moi, je veux bien, mais attention. du coup, je me dirige vers Alex Eh bien, Alex n'est pas là. Il était là dans la première partie de la journée, mais il s'est absenté. Cependant, vous avez Megan qui, qui a pris la suite au niveau du bar. Eh bien, écoute, je me dirige vers Megan. Megan, t'aurais 5 minutes, s'il te plaît ? Mm-hmm. Oui. Est-ce que, à tout hasard, tu aurais des contacts ou tu connaîtrais des gens qui ont l'habitude de traîner dans Robinson Park ? Robinson Park, oui, bah, y a beaucoup de gens, oui, il y a beaucoup de gens. Bah, plus précisément, des gens qui feraient partie d'un groupe de jeunes qui s'appelle les c'est quoi, c'est les frères, comment ça s'appelle, Vas-y. Les superstars. Non, les frères de la nuit. Ouais, les frères de la nuit, voilà, ça. Ça te dit quelque chose? Oui, je crois. Je crois que ça me dit quelque chose, c'est un petit gang ou quelque chose, je crois que c'est ils aiment bien l'héroïne et ce genre de choses. Tu connaîtrais pas des gens qui en font partie ou des gens qui pourraient nous renseigner? Qui en font partie, non, mais je connais quelqu'un, c'est Oscar. Ouais. Oscar Cook. Qui est à l'église de la lumière dans le noir, qui est une petite congrégation. Enfin, c'est des gens un peu bizarres, mais qui vivent au Robinson Park aussi. C'est des religieux, ils ont une espèce de. Jésus et la lumière, ce genre de choses. Ils font du racolage, quoi, là-bas. Et ils connaissent un peu tout le monde, donc peut-être qu'Oscar les connaît, peut-être qu'il peut vous aider. Ah, ça peut être pas mal, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? On retourne vers les autres. Marco? Attends, j'ai pas compris. Répète-moi. En fait, elle connaît un certain Oscar, ça? Oscar Cook qui en fait est qui fait partie d'une congrégation de Tamriel, là, oui. Ouais, enfin voilà, religieuse, un peu frappée, qui essaye de démarcher les jeunes du coin. Et a priori, ils connaissent un peu tout le monde, donc il y a peut-être moyen d'aller les voir et de se renseigner un peu plus sur leur groupe. Super. Mais écoute, on est pas tous des tarés. C'est tout ce que je dois vous dire quand même. Écoute, Megan, merci. On va aller faire un tour là-bas. Contente de pouvoir aider. Fais attention à toi, Megan. Bon, en tout cas, tu fais du bon boulot. Continue comme ça. Hein. Si jamais t'as quoi que ce soit, hein, des soucis ou quoi, n'hésite pas à nous en parler, hein, on est là pour ça. Merci, non, mais c'est très bien. Maintenant que au final, j'étais pas venu pour ça, mais au final, maintenant que j'ai un travail, j'ai l'impression que ça va mieux, c'est plus stable, donc il y a. Bah, merci. Ouais. C'est bien. Ok, cool. C'est normal. Je lui tape la tête, juste la petite, je lui tape de la tête comme ça, mais je suis complètement défoncé. Tu vois qu'elle a pas l'air spécialement d'apprécier, elle prend un air un peu frustré, voire un peu boudeuse, un truc comme ça quand tu lui tapotes la tête, mais elle t'en tient par rigueur ou quoi que ce soit et elle reprend le boulot. Bon, ben Marco, on y va? Pourquoi je dois servir d'appât, moi encore? T'inquiète. Après. Tout est prévu. Prends des extras. Bah non, les prends pas. Non, ne les consomme pas. Prends avec toi. Pas tout de suite. Très bien. Donc tous les quatre, vous voulez vous rendre au Robinson Square pour aller voir cette fameuse église de la lumière dans le noir et ce fameux en particulier Oscar Cook, ouais, pourrait vous aider. Vous vous rendez donc tous ensemble au fameux Robinson Square, petit coin de verdure en plein Gotham City et en plein Arkham City, anciennement utilisé comme le nom de son lac le précise, comme réservoir d'eau pour la ville. Et quand je dis anciennement, c'est parce que étant donné qu'il est dans ce fameux parc qui est très proche d'un des quartiers qui, même avant Arkham City, était un des plus pourris des quartiers, il s'est vite avéré que les eaux n'étaient plus utilisables et qu'on y trouvait souvent des corps ou beaucoup trop de produits chimiques provenant de drogue ou d'autres choses. Donc au final, ça n'a plus été utilisé comme réservoir pour la ville, mais le nom est resté. Robinson Square, de son côté, ressemble plus à une forêt qu'à un parc. Il y a fort à parier que ça fait bien longtemps, même avant Arkham City, que la ville a abandonné l'idée de le garder en état et a laissé les autres herbes se développer, les arbres noueux s'étendre et s'entrecroiser les uns avec les autres. Vous êtes dans un véritable décor qu'on pourrait s'imaginer d'une forêt presque transylvanienne. On s'attend à voir le château de Dracula au loin. Si ce n'est qu'on n'y trouve pas le château de Dracula, on y trouve des tonnes et des tonnes de forteresses de carton. Des tonnes et des tonnes de caddies dans lesquels il y a plein d'affaires volées ou simplement des ordures ou ce genre de choses. Et bien entendu, la population ne s'y fait pas discrète. Il n'y en a pas partout, mais il y en a quand même pas mal. Beaucoup de gens sans domicile fixe, beaucoup de gens qui sont de toute évidence sous l'effet de plusieurs produits à la fois. D'autres qui ont l'air de rôder, peut-être même pas spécialement des gens qui vivent au Robinson Square, mais qui viennent peut-être pour y dépouiller directement les plus faibles. Il y a de tout. Il n'y a pas que des junkies, pour vous dire. Il y a des gens qui sont juste SDF ou ce genre de choses, qui ont l'air d'être, entre guillemets, propres sur eux pour des SDF. Mais, bien entendu, la vie est dure, et se retrouver bloqué à Arkham City, c'est quelque chose. Il y en a sûrement même beaucoup d'entre eux qui vivaient sûrement avant dans ce quartier-là, et qui, dans toutes ces histoires d'expulsion de leur maison par la mairie, se sont retrouvés sûrement ici. Ok. Ouais. Maintenant, vous avez une petite idée de l'ambiance de la zone. Quelle est votre approche? Est-ce que vous vous déplacez tous les quatre ensemble? Est-ce que vous envoyez seulement Jean-Baptiste à l'avant ou ce genre de choses? Je ne sais pas. Bah, honnêtement, je pense qu'on a, on va pas forcément se cacher plus que ça. De toute façon, de toute manière, j'imagine qu'on dénote tellement du reste des gens qu'on nous grille à 20 000 km, qu'on fait pas partie du secteur. Peut-être par sécurité, il vaut mieux quand même qu'on marche ensemble pour pas qu'on se fasse alpaguer par d'autres. Et qu'on aille directement à Robinson Square pour voir Oscar Cook, voire même si jamais on tombait pas sur des gens avec qui ont l'air de faire partie de sa congrégation, pour aller leur parler directement et nous emmener voir Oscar Cook directement, quoi. Ouais, je suis d'accord. Vous dirigez donc immédiatement vers Robinson Square, en tout cas le plus proche dont vous pouvez vous en approcher, parce que Robinson Square est hors d'Arkham City. Le Robinson Park sert de frontière en quelque sorte, mais ce qu'on est du plus proche est là où, d'après ce que vous avez entendu dire, congrégation traînerait le plus souvent. Une fois arrivé sur place, vous êtes face à une scène presque surréaliste. Vous avez devant vous une espèce de grand feu, avec ce qui semble être du bois, avec des arbres qui ont dû être directement coupés dans le parc lui-même, mais aussi plein d'ordures, plein de tissus, plein de choses qui sont en train de brûler. Vous avez 5 ou 6 personnes qui sont en train d'alimenter le feu avec des habits, ce genre de choses. Il y en a certains même qui retirent leurs vestes et qui les mettent au feu. Et 2 ou 3 autres personnes qui regardent simplement, qui ont l'air d'être pas en transe, mais en prière, disons, en prière devant ce feu. Et tous ces gens, que ce soit ceux qui prient ou ceux qui jettent des choses au feu, ont tous pour point commun d'avoir une croix, la croix chrétienne, hein, rouge sur le visage. Voilà, la barre horizontale leur reliant leurs deux sourcils. Rassurez-moi les gars, je suis pas comme eux. Ça reste à voir. Moi j'aime pas taguer ça sur la gueule quand même, moi je suis pas croyant. Ok, bah, du coup, on se rapproche un peu de... Enfin, du moins, moi, je me rapproche un petit peu du groupe. Le Crozet, tu sais. C'est resté plus en retrait de mon côté. Ok. Ouais, on va aller les voir. Ouais, faut y aller. Vous rapprochez un peu, et l'un des gars qui était en train de brûler des choses se saisit une espèce de branche qui était au bord du feu, qui est enflammée. Et s'approche de vous, il s'en sert a priori comme torche. Il s'approche de vous avec un grand sourire sur le visage, il a pas du tout l'air d'être là pour voir si vous êtes des intrus, pas du tout... même pas soucieux de sa sécurité a priori, ce qui devrait pourtant parce qu'il s'approche tout seul d'un groupe de 4 personnes dans un parc comme celui-ci, mais il approche avec un grand sourire, des yeux pétillants, et il vous dit « Bienvenue, rapprochez-vous du feu, vous serez réchauffé dans la nuit noire. » Vous êtes sous LSD ? Je me rapproche. Non, tais-toi. Excusez-nous, notre père. C'est une âme égarée, c'est notre ami. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez qu'il s'adresse directement à toi, Jean-Baptiste. Tu vois qu'il t'a écouté, Marco, mais il s'adresse directement à toi. Il fait « Nous avons l'habitude des moutons noirs, des brebis galeuses, des âmes incomprises. » Alors. N'ayez crainte, ici nous ne vous jugeons pas, nous vous comprenons tel que vous êtes. C'est cool ça. Dites-moi, nous aimerions pouvoir nous entretenir avec un certain Oscar Cook. Seriez-vous où nous pourrions le trouver ? Le frère Cook est présent en effet. De quoi vous voulez vous entretenir avec lui ? Oh, eh bien, nous savons que il y a certains groupes qui traînent ici et là, et nous aimerions avoir un peu plus d'informations sur l'un d'entre eux. Et on nous a dit que il connaissait bien un peu tout le monde, donc c'est pour ça qu'on voulait lui parler directement. Je vois. Vous voulez vous entretenir. De la situation géopolitique du Robinson Park. C'est exactement ça. Vous avez raison. Très bien, je ne vais pas vous retenir plus que ça. Cependant, est-ce que vous souhaitez faire une donation à notre honnête congrégation ? Oui. Tiens. Qu'est-ce que tu lui donnes ? Tu crois qu'il avait mis de mémoire ? 5000 dollars. Allez, 5 dollars. 500 dollars. 500 dollars ? Ah, moi, je veux 5 dollars. Je lui tape sur la main et je dis tenez, je donne 5 dollars. Non, c'est mon fric. Mais ta gueule, arrête tes conneries. J'ai pas l'enfer, moi. J'en ai rien à foutre. Mais l'argent n'est pas une valeur de Dieu. 5 dollars suffiront bien amplement. Ah, vous savez, si Dieu nous a fait matériel, c'est bien pour apprécier le matériel. Il faut avoir une vie matérielle avant d'avoir une vie spirituelle. C'est vrai, mais d'abord, la bonté d'âme est le plus important que la bonté de poche, si je puis dire. De quel ordre est votre donation, donc ? C'est ça qui est super. Prends ça et va chercher Fred Cook, s'il te plaît. Très bien. Tu lui as donné combien, juste pour en avoir une idée ? Bon, allez, je lui donne 100 dollars. Ok, 100 dollars. Tu vois qu'il est très, il est très très content. Tu vois que, de par la démographie qu'ils visent habituellement, ils sont pas habitués à avoir 100 dollars comme ça. Tu vois qu'il est très très content. Il fait, oh mon dieu, mais nous allons pouvoir sauver tellement d'âmes. Et il continue à parler tout en s'éloignant. Il l'a quitté, il continue. Lui-même, il se fait chauffer avec ce prix-là. Il s'imagine déjà avoir un local. Pendant qu'il y va, je dis, Marco, c'est très sympa, c'est très gentil de... Mais cet argent-là, on en aura besoin pour à l'avenir. Donc essaye de ne pas être aussi généreux. Ouais, mais j'adore donner l'argent de la drogue et des putes aux hommes d'église. C'est quand même sacrément marrant. Ouais, mais cet argent-là, on en aura besoin, donc garde-le, s'il te plaît. Ah, là, mais qu'est-ce qu'il sait, là, ça se trouve, c'était le billet d'un trader cocaïnomane complètement addict. Voilà, j'aime bien. Et puis, voilà, c'est pour aller au paradis, tu sais, c'est important. Oui, mais je pense que le paradis n'a pas besoin de ton argent, sache-le. Moi, je croyais que vous étiez orthodoxe dans votre pays, pays de l'Est. Ah, c'est compliqué. Enfin, la cousin, elle n'était pas la même famille, bref. Okay, tu as donné pour au moins un an, là, ça suffit. Rapidement, un autre membre de la congrégation s'approche de vous, que vous devinez être sûrement Oscar Cook, un homme qui est assez mince, pas maigre, mais mince, vous voyez, genre il est pas en manque de nourriture, mais c'est il a juste malade, un métabolisme de ce genre, voilà. Ouais. Il a des cheveux longs, mais mis en queue de cheval. Et il arrive avec une veste assez longue qui est un peu blanche. Vous voyez que ça a l'air d'être la seule chose qui ressemble à une tenue un peu religieuse qu'il semble avoir. Le reste, c'est des habits que vous avez vus mille fois à Gotham City. Il s'approche de vous avec là aussi un grand sourire et il fait « Mon frère m'a annoncé que vous souhaitiez vous entretenir avec moi. » Ouais, bonjour mon père. Frère, nous n'avons pas de hiérarchie dans notre de congrégation. Dieu nous a fait égal, donc. Très bien, grand pop. On cherche les frères de la nuit. Les frères de la nuit, mais qu'est-ce que vous. Vous prévoyez de mettre fin à votre vie aujourd'hui? Oui, pour moi. Non. Non, voyez-vous, nous sommes nous-mêmes membres d'une association humanitaire d'aide. C'est pour ça, moi je cherche, nous cherchons les enfants de la diaspora yougovienne qui viennent de la guerre civile. J'ai entendu dire qu'un de leurs membres, très très jeune membre, était pauvre petit addict au crack qui vient de Yougovie. Et on va essayer d'aider à ressortir pour le ramener dans son pays pour qu'il puisse consommer du crack en Yougovie et plus aux États-Unis. Et moi je suis en chérie. Moi, ancien enfant yougovien récupéré par Marco aux États-Unis, oui. Atteste du. Comme mon père, oui. Cet homme, être mon père de substitution depuis maintenant 15 ans. Vous avez vu? Moi, pour projeter de devenir avocate à Gotham. Ou médecin. Ou les deux. Ok, médecin. Eh bien, nous vous souhaitons succès et prospérité dans la voie que vous avez choisie, ma jeune sœur. Vous nous mettez en garde, j'ai bien compris, car vous avez l'air de dire que ce sont des personnes dangereuses, mais savez-vous s'ils sont nombreux ou pas? Oh, nombreux, ils sont une bonne trentaine, je dirais. Effectivement. Mais, oui, et, une bonne trentaine, honnêtement, je vous conseille vraiment de ne pas vous en approcher, je suis absolument pour le fait de rendre service à la communauté, régler les soucis des gens, mais ces gens-là en particulier, parmi d'autres, hein, mais il faut s'en tenir éloigné. Ce sont le genre de personnes qui vivaient dans les égouts avant, vous savez, et qui en ont été expulsées. Il se passe des choses là-dessous, et certaines communautés montent, certaines communautés descendent. Et ces gens-là. Ils ont pas souvent accès à de la nourriture et souvent ils mangeaient ce qui leur tombait sous la main et ils ont gardé cette habitude même une fois sous le soleil. Ah, Est-ce qu'ils ont des armes? Certains, oui, la plupart utilisent ce qu'ils peuvent trouver. Ils utilisent parfois des branches qui taillent pour en faire des lances. Certains ont des couteaux, des crans d'arrêt. C'est des sauvageons. Est-ce qu'ils ont un chef? Oui, ils ont un chef, oui. Et savez-vous comment il se nomme et où on pourrait le trouver? Il me semble savoir qu'il se fait surnommer Totem. Où est-ce qu'on pourrait les trouver aujourd'hui dans Robinson Park? Vous pourrez les trouver près de l'ancien grand kiosque. C'est au nord de Robinson Park. Si vous avez une carte, c'est souvent indiqué sur les cartes. C'est une zone un peu circulaire. D'accord. C'était autrefois utilisé pour faire de la musique, distribuer des journaux, malheureusement. Ah, d'accord, donc ce serait, si je me fie au plan que nous avons, ce serait vers le parc animalier, parc aquatique, c'est ça? Oui, ce n'est pas loin de là. D'accord, ok. Mais en tout cas, je vous mets cependant encore une fois en garde. Ouais. On a bien compris. Ils ne sont pas connus pour être stables. Ils abusent de que ce soit de crack, de méthamphétamine, beaucoup de méthamphétamine. Et l'ecstasy? Je pense qu'ils ne doivent pas, refuser, non? Bien, bien, bien. Je vois, c'est très parce que je. Bon, on s'en fout, allez, on y va. Allez, go. Vous souhaitez faire une donation à notre congrégation? Ça y est, c'est fait. Priez pour notre âme. C'est fait. Notre âme est sans dollars. Mais j'attrape Marco et je le tire en arrière. C'est avant qu'il les donne. Merci, frère Oscar. Je ne veux pas aller en enfer. Et on se dirige et je me dirige du coup dans la direction du kiosque. Très bien. Bon bah en tout cas en marche. On sait que ça va être compliqué, mais on n'a pas le choix a priori. Après on peut discuter avec. Il y a toujours moyen. Je pense pas qu'ils aient trop envie de discuter avec nous si j'en crois ce que dit le frère Oscar. Vous poursuivez votre marche à travers cette forêt noueuse de bois, de feuilles et de neige et d'ordures. Peut-être même à certaines reprises, vous pouvez peut-être imaginer entre deux arbres, à moitié noyé dans la neige, peut-être un corps, mais vous avez ni l'envie d'aller vérifier, ni... Ouais, non. Voilà. On n'a pas le temps. C'est peut-être juste des habits ou ce genre de choses, abandonnés. Ouais. Moi je marche dessus. Alors il est dans les arbres, il est pas sur le chemin. Alors si tu veux, tu peux faire un détour pour aller marcher dessus, mais je crois que les gens autour de toi vont le juger énormément. Notamment ton propre groupe. C'est probable, oui. Ah non, mais. Non, c'est bon, ça ira. Parce que. Je vais réfléchir à ma vie de camé. Vous finissez par arriver pas loin de ce fameux kiosque. Qui est, comme vous le voyez, qui a été en fait rasé. Là où avant, vous imaginez qu'il y avait plein de petites colonnes de bois, un petit toit et ce genre de choses, tout a l'air d'avoir été retiré à la hache. Okay. Vous avez juste les pieds en fait de ces petites colonnes qui sont toujours là. Et tout ça a l'air d'avoir été utilisé pour faire des feux, pour faire ce genre de choses. Et vous avez juste plein de petits fauteuils, de petites chaises, de petits canapés à moitié déchirés avec... certains qui ont même plus de quoi les rembourrer, juste l'espèce de bois du canapé avec les ressorts et ce genre de choses. Où il y a plusieurs personnes qui ont l'air d'être assis, certains qui sont assis au sol, qui discutent. D'autres qui ont l'air de patrouiller presque autour de la zone. Tous des gens avec des espèces de petites lances, des trucs de bois taillés, certains ils ont des battes de baseball. Des battes de baseball même parfois où il y a des clous qui sont plantés ou du barbelé. Et vous remarquez qu'ils ont tous en commun, mis à part le fait d'être habillés avec des habits qui ont sûrement 6 fois leur âge, le fait d'avoir un espèce de foulard sur le bas du visage qui couvre leur nez et leur bouche, un foulard blanc sur lequel a été dessinée une mâchoire, juste avec un trait noir, une mâchoire dentée. Qui fait vraiment de manière artisanale, hein, sans aucun son, oui, quoi que ce soit. Dessiné, quoi. Voilà. Qui semble indiquer qu'ils font tous partie du même groupe. Moi, je vais quand même prendre l'arme que j'ai, le Glock que j'ai dans la main. Parce que de toute façon, on n'est pas venu pour sympathiser. Hein. De toute façon, c'est sûr et certain. Du coup, je prends mon Glock. Alors, je le mets pas en évidence, mais je le garde à la main. Ou si j'ai une veste, je le mets dans ma poche, tu vois. Avec la main bien posée dessus, quoi. Ok, tout le monde. Donc, pour ceux qui veulent voir combien il y a de gens qui patrouillent ou quoi que ce soit, je vais vous demander à chacun, à ceux qui veulent s'occuper de ça, faire un jet en attention. Ah ouais, on va faire un. Moi, 14, 14 pour moi, sur 40. 69, et je sais même pas combien j'ai en attention. Ah, j'ai 40, donc j'ai joué. Ouais. Toi, tu vois encore les arbres bouger et tu te demandes s'il n'y a pas des nymphes qui te parlent à travers les feuilles. 96. Wow. Ah ouais, carrément. Ok. Et Ruby, toi, tu as fait un G ou tu ne t'occupes pas de ça? Moi, j'aurais bien aimé préparer quelque chose d'autre. Ok. Et tu me dis si tu m'autorises. Ce serait alors peut-être que c'est fait en secret par rapport aux autres personnages, mais ça me dérange pas que ce soit pas en secret par rapport aux joueurs. Ce serait étant donné que j'ai du coup un petit peu le background du gang de l'épouvantail, avoir prévu de côté, alors peut-être avec du matos que j'aurais installé dans l'appartement dont on a fait l'acquisition récemment et des trucs que j'aurais un peu sur moi, préparer au moins une on va dire grenade de produits de gaz psychoactif qui pourrait servir en dernier recours à disperser un grand groupe d'ennemis qui s'en prendrait à nous, même si j'imagine que les effets secondaires de ces trucs là, donc la fameuse drogue là de l'épouvantail, c'est le candy, candy, je sais pas quoi, hein. Ouais. Eh bien, je vais te demander un jet en chimie-biologie. Yes, parfait. Eh bien, j'ai fait 18, sachant que j'ai... Tu as 30. J'ai 30? Ouais, tu as 30. Oh là, je savais que ça serait utile un jour. Eh bien, tu as pu en effet te créer un espèce de petit dispositif pour déclencher ça. Alors, ça ne fera pas un énorme nuage ou quoi que ce soit, ça fera vraiment sur une zone très très très localisée, et je dois préciser cependant que... le fameux épouvantail qui a à l'origine cette formule est quelqu'un de très paranoïaque, quelqu'un qui n'a pas forcément partagé tout son génie, et donc ce à quoi toi tu as accès, c'est vraiment la base de la base, le genre de choses qui ne va pas les terrifier ou quoi que ce soit, mais qui va juste leur faire des effets qui va les rendre pas vraiment dans cette réalité, très inconfortable, ce genre de choses, mais ça ne leur fera pas avoir des visions terrifiantes ou quoi que ce soit. Moi-même, parce que j'entends des voix qui m'agressent, donc j'essaye de m'en tenir éloigné, de remonter mon t-shirt sur mon nez. Très bien. J'entends des Anglais qui s'entraînent à moi. Voilà. Parfait, merci. Très bien. Pour ceux qui ont fait leur jet d'attention, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'il y a au moins 5 personnes qui patrouillent. Les autres qui sont assis doivent être de l'ordre d'une dizaine. Les autres, s'ils sont bien une trentaine comme on vous l'a dit, n'ont pas l'air d'être visibles. Okay. Cachés quelque part peut-être, ou absents. Okay, donc là, ça c'est ce que je vois moi, ou c'est ce que tout le monde voit? Parce que je suis le seul à avoir réussi. Donc, C'est les informations que, on va dire, que je mets en commun, tout ce que vous d'accord, savez. D'accord, mais ce qu'on a échangé ensemble, Et finalement, ça. Ça donne... Ok. Donc, il y aurait 5 patrouilleurs et des gens derrière qui discutent, plus ou moins une dizaine. Ok. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Marco? On y va franco ou on essaie d'attirer les 5 qui patrouillent pour peut-être les neutraliser? Et puis, oui, je pense que tu as résumé nos deux options. Excuse-moi. Oui, je disais donc, je pense que tu as bien résumé nos deux options. Mm-hmm. Donc, soit on attaque dans le temps et on espère qu'ils sont autant nombreux que. Enfin, voilà, qu'ils sont pas très armés. Soit moi, je serais peut-être plus partisan. En gros, moi, l'idée que j'ai, on envoie Jean-Baptiste. Oh! Enfin, peut-être avant, j'aurais bien aimé qu'on réussisse à en buter un isolé. On récupère ses vêtements. On les met sur Jean-Baptiste. Mm-hmm. Et Jean-Baptiste. Vous avez vraiment un souci, vous. Il nous ramène et il nous en ramène quelques-uns par petit groupe. Ou le chef. Le chef. Je sais pas. Le problème, c'est que là, bon. Là, ils sont nombreux. On pourra pas tous les tuer. Et si jamais on fonce dans le tas, je pense que. On sera pas assez nombreux. Non. Pour faire face à tout ça. Vous savez, moi j'ai une idée, si vous voulez. On va voir les catholiques, on leur dit qu'il y a des malsains là-bas, et on leur fournit des armes, et ils vont se battre. Non, mais c'est des hommes pieux, ils iront pas tuer des gens. Enfin. Ils sont pas là pour tuer des gens, ils sont là pour les sauver. Dans mon pays. non mais on est bien d'accord que Oscar Cook nous a mis nous a mis au courant qu'ils étaient là et qu'ils n'iront certainement pas les voir puisqu'ils ont peur d'eux. Donc vous pouvez pas leur demander d'aller ici pour tuer des gens. Bien sûr. Non, après je pense qu'il faut. Comme tu as dit, on va essayer d'en choper un. Et je pense que l'idéal, ce serait peut-être que Jean-Baptiste nous en ramène quelques-uns à chaque fois et qu'on s'habille tous de la même manière. En fait, se rapprocher du patron. Le truc, faut retenir, on a deux objectifs. Récupérer ce qui a été volé et intimider. C'est pour ça, je pense que la seule manière qu'on aurait pour récupérer ce qui a été volé, ce serait d'aller dans leur QG, mais si on y va, il faut qu'on ait un moyen de pression pour pas qu'ils nous attaquent en retour, sachant qu'ils seront plus nombreux. Il faut savoir où est-ce que c'est caché tout ça, donc on essaye d'en kidnapper. Il y a Ruby qui essaie de parler là depuis tout à l'heure. J'ai essayé une fois, mais bon, chacun son tour. Oui, je pense qu'à ce moment-là, je leur parle de la bombe psychoactive... Enfin, la grenade, pardon, psychoactive. Ça fera pas passer un message de fou. Mais si c'est bien lancé, il peut y avoir 3-4 gars qui pourraient faire rentrer un peu dans une espèce de transe psychotique entre l'hypnose et le cauchemar en fonction de à quel point j'ai réussi mon craft. Ça peut être utile. Ok. Il faudra pas souffle, parce que moi déjà que je suis bien pété au casque, j'ai pas envie de répéter au casque. Moi. Ok, j'ai plan. On essaye d'en choper un isolé. Ouais. On l'interroge. On demande où sont cachés les trucs. On bute. Et on essaie de le choper. Moi je propose avec technique Jean-Baptiste qui va le voir et se fait passer pour Diral de drogue ou un truc comme ça. Il l'attire un peu dans les buissons. On le bute. Et on refait exactement la même chose en plein milieu du truc, sauf que cette fois-ci, Jean-Baptiste habille en gars, là, de la nuit. Et, sauf que au milieu, il y aura grenade. On déclenche grenade. Et là, on commence à tirer dans le tas. Vous en pensez quoi? J'ai juste une question à... Oui, il faut que tu parles. Faut pas que tu restes quand on commence à tirer. Sinon, ça va être... Là, je pose une question par rapport à l'équipement de Ruby. C'est quoi? C'est une grenade ou c'est une gazeuse qu'elle a? Ah, une grenade. C'est intéressant, ça. Moi, j'ai une autre idée. On suit une partie de l'idée de... Marco? Marco, voilà. Même moi, je l'ai renommé, je me rappelle plus de son prénom. Si Ruby elle a une grenade avec son gaz hilarant, ce que je peux faire, hein, son gaz bizarre. Hein. Ce que je peux faire, c'est aller dans le bâtiment, balancer la grenade, et après récupérer le colis. Comme ça, tout le monde a peur et tout ça, et moi, je vais juste récupérer le colis. Ouais, mais il y a un bâtiment ? Non, il n'y a pas de bâtiment. Non. Ah. Non, mais après, on sait pas. Clairement, il nous a pas dit ce qu'ils avaient piqué. Et ça se trouve, il y a plusieurs choses que tu pourrais peut-être pas porter tout, quoi. Enfin, en soi, ils leur ont piqué quelque chose, mais on a aucune idée de la quantité, quoi. Donc, c'est compliqué d'y aller comme ça, juste balancer un truc. Perso, je pense bon, que le. Écoutez. C'est le plus simple, c'est quand même que ton camarade nous a demandé de faire une leçon et de faire en sorte qu'il ne s'attaque plus jamais. Donc si on passe pas un message clair pour dire qu'il ne s'en prenne plus aux hommes de ton camarade, la mission en soi, elle sera pas réussie. Parce qu'ils ils vont juste penser qu'on a volé des trucs et point barre. Alors, là, il faut vraiment passer un message et je pense que le mieux, ce serait de s'en prendre au chef. En disant que juste quatre personnes de lui ont réussi à aller jusqu'à leur chef. La prochaine fois, c'est tout le groupe qui sera tué. Enfin, dans le genre, tu vois. Écoutez, moi, je pense que... bon, c'est bien. Moi, bon, je fais vite. C'est bien de là, tout ça, on fait les trucs, on est pressé. Sauf que la vérité, vite fait, bien fait, ça n'existe pas. Donc, moi je propose qu'on considère que ce soir c'était une petite reconnaissance. On va retourner chez nous et on va préparer un véritable assaut et un véritable prise de kidnapping otage du chef. Et Ruby, tu vas nous faire beaucoup plus que ce que tu as là. Mais bref, on va bien préparer les choses, on va faire ça correctement. Parce que on est des pros. Act like a pro. C'est le président Donald Trump qui l'a dit. Donc moi, je pense que si jamais on fait ça, la victoire est assurée. Maintenant, on est pressé par timing. Donc c'est vous qui voyez, c'est maintenant, c'est jamais, ou alors, moi, on fait comme j'ai dit, et on prend le temps de préparer. Tu as raison, j'avoue que sur ce coup-là, je ne peux que te suivre. Et je rajouterai même, en plus de ton acte, l'acte pro, qu'on pourra faire My Alibi Great Again. Comme disait lui aussi, ton président Donald Trump. Est-ce qu'on m'entend ou pas? Oui, alors, on t'entend. Oui. Si les gens sont silencieux. Alors, du coup, j'avais une idée à proposer. Ah oui, ok. Dans l'idée de faire passer un message, je suis désolé tout à l'heure. Pendant que je trafiquais ma truc de psychoactif, j'ai dû ingérer quelques substances et je suis un peu ailleurs là depuis quelques minutes. C'est comme si j'essayais de parler mais qu'aucun son ne sortait de ma bouche, mais c'est bon, j'ai repris mes esprits. Du coup, je me disais, étant donné que je suis tatoueuse, est-ce qu'on pourrait pas, si vous voulez vraiment faire passer un message, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour graver sur la peau, alors peut-être pas du poste directement, mais ou alors pourquoi pas, hein, mais au moins sur un de ses bras droits, un truc. En fait, c'est une très bonne idée. Moi, je pense que l'idée, c'est grosse explosion de psychoactif, là. On fout le bordel, Et en fait, soit en truc d'intimidation, on chope le boss et on lui fait ça, soit on le bute et on laisse un second devenir le nouveau boss et voilà, et pareil, c'est intimidant. Et dans les deux cas, bah voilà, on peut faire un beau petit tatouage en mode Don't touch Milo affaire ou quelque chose comme ça, enfin, tu vois ce que je veux dire. Don't touch Milo's business, un truc. On leur balance un caillou dans la tête. Non mais oui, ou don't okay. Don't touch business, tu vois. Ouais, don't touch business. Créé à moitié en cyrillique, tu sais, mais ouais, voilà, effectivement. Mais non, mais après, je sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre ce que disait Marco, mais en gros, le truc, c'était que là, ce soir, on en restait à une simple reco et qu'on rentrait au Alibi pour bien ficeler le truc, que tu puisses faire plus de grenades psychoactives et qu'on revienne soit le lendemain pour vraiment faire un truc carré et qu'on les prenne de court, quoi. Mais que là, on laisse tomber pour ce soir et qu'on bosse sur notre assaut pour la prochaine fois. Ok, ouais, ça me va. Très bien. Good. Sur ces mots, vous remettez en route pour retourner à votre Hour Alibi, histoire de préparer la suite de cette opération musclée. Et c'est ainsi que nous terminons cette session de Arkham City.